Ça tombe bien qu'il y ait au moins un interlocuteur cet après-midi pour poser des questions et aller un peu plus au fond du sujet des figons et donc de la figue blanche de Salerne. Alors, la figue blanche de Salerne et les figons, l'association Loup-Figoun. On va commencer par l'arbre, puisque c'est a priori le centre du sujet. Après, on passera un peu sur l'histoire. Et on terminera sur l'association Loup-Figoun, donc qui travaille depuis maintenant 20 ans sur la préservation et la relance de la microfilière de la figue blanche de Salerne. Alors l'arbre en lui-même, bien, c'est un figuier. Selon les figuiers sur la planète, il en existe à peu près 800 répertoriés. On pense qu'il y a de l'ordre de 1000 variétés différentes de figuiers. Autour du bassin méditerranéen, on est déjà à quasiment 400 variantes de figuiers. Donc je dis bien autour du bassin méditerranéen, donc pas nécessairement sur les franges côtières, mais même à l'intérieur des pays, bien sûr. Le figuier est connu depuis la nuit des temps, on en parle dans la Bible, on en parle dans la Bhagavad Gita, on en parle dans différents textes très anciens. On pense que la figue blanche de Salerne est arrivée par Marseille, avec au moment de la colonisation par les Grecs. Et c'est d'ailleurs pourquoi, je l'indiquais en aparté tout à l'heure, mais c'est d'ailleurs pourquoi il est probable qu'on l'appelle la petite Marseillaise, parce qu'elle serait rentrée par Marseille. Ouais, on verra ça un peu plus tôt en détail tout à l'heure, au moment de passer sur les aspects historiques, parce qu'il y a, il y a au moins une autre version pour expliquer l'implantation de la figue blanche et de cette petite figue blanche donc sur la région salernoise. Alors le figuier, eh bien, c'est un arbre que tout le monde connaît, hein, il en pousse partout. Hein, j'ai de la famille en Bretagne, des origines bretonnes pour moitié, et j'en ai toujours vu en Bretagne. Le goût n'est pas le même, le fruit n'est pas le même, mais ça se mange aussi, ça se fait sécher également. Donc voilà pour l'arbre en lui-même. Les figuiers sont de deux types, peuvent être de deux types. Ils sont soit dits monofères, soit bifères. Alors ça veut dire monofruit ou bifruit. Ça s'explique par le fait que certains types de figuiers donnent une première récolte avec une figue de printemps, qu'on appelle la figue fleur, et donne une récolte donc d'été début novembre, août-septembre, qui s'appelle la figue fruit. Et voilà, donc quand vous avez un figuier qui ne vous donne rien au printemps, ça veut dire que c'est un figuier dit monofère. Et quand vous avez un figuier qui vous donne quelque chose au printemps, une figue fruit, et une autre récolte de figues une première récolte de figues fleurs au printemps et une récolte de figues fruits, ce qu'on va appeler la vraie récolte, en fin d'été, eh bien on appelle ça un figuier bifère. Voilà. Parce que normalement on considère la figue comme une fleur et pas comme un fruit, c'est ça Alors l'astuce, c'est ça qui est génial avec le figuier. L'astuce, c'est que dans le figuier, la fleur est à l'intérieur. C'est ça qui est fou. C'est fou. Le figuier ne fait pas de fleurs. On appelle les figues fleurs parce que ça correspond au moment de la floraison, mais ce n'est pas une fleur. Et sur cette figue fleur, certaines sont comestibles et d'autres ne le sont pas. J'avais un figuier à Gréasque, dans le jardin, qui nous donnait des figues fleurs, donc au printemps, on va dire en mai, des figues qui étaient pas très goûteuses, pas très sucrées, enfin, goûteuses si, sucrées non, ce qui leur conférait ce côté très frais en fait du fruit, et qu'on dégustait donc au printemps, au mois de mai, et l'été on avait des figues fruits, mais ces figues fruits étaient bien évidemment beaucoup plus succulentes, beaucoup plus goûteuses, beaucoup plus sucrées que la figue fleur. Plus grande aussi, peut-être. Non. Pardon ? Plus grande. Plus grosse aussi, oui, plus grosse aussi. Ouais. Mais souvent la taille, elle est surtout dictée par la capacité de l'arbre à récupérer de l'eau. Donc quand il pleut, la figue, mécaniquement, elle grossit. Faut aussi qu'il y ait du soleil, hein, parce que ça va de pair. Donc si on a un printemps où on n'a pas d'eau et pas de soleil, Même les figues fleurs que l'on est habitué à manger d'habitude, là, ça sera même pas, ça sera, ça, ça correspondra à pas grand chose parce qu'on aura des très petits fruits, très denses à l'intérieur, avec quasiment pas de chair. Donc c'est vraiment pas comestible. Mmh. Par contre, je répète, il y a vraiment des figuiers dits bifères, et c'est, la récolte est aussi aussi intéressante. Au printemps, donc, que l'été avec les figues fruits. Voilà. Mais ça, c'est une variété ou c'est individuellement qu'elle a choisi? Alors, c'est pas une variété en soi, pas une variété en soi, parce que les variétés, les types de figuiers, il y en a 1000, dont à peu près 800 répertoriés. Mais dans ces variétés, effectivement, certains vont être bifères, d'autres vont être monofères. Et nous, on a une variété, je serais tenté de dire, entre les deux, du coup. Mm-hmm. Parce qu'on a bien un arbre qui est bifère, le figuier blanc de Salerne, il est bifère, sauf que la figue fruit, elle est immangeable. Ah. Elle est immangeable. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas utile, parce qu'on se doute bien que la nature, même si elle est généreuse, elle ne fait pas nécessairement les choses sur un coup de dé et au hasard, pour dessiner le paysage d'un coup de patte, quoi. Tiens, celui-là, on va lui faire des figues fruits, mais elles ne seront pas mangeables. Ouais, alors pourquoi faire des figues fruits qui ne sont pas mangeables? Ça veut dire qu'il y a encore des choses à découvrir. Hein. Autant on sait qu'en gémothérapie, et donc par le biais de la gémothérapie et des macérats qu'on peut faire à partir des bourgeons de figuier blanc également de Salerne, on peut faire donc des préparations. Il est possible. Moi, j'ai pas l'information, et puis ça ne circule pas dans l'association. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais petit aparté, comme c'est un produit comme c'est un fruit qui est fait pour rapporter et nourrir, nourrir et rapporter, il est bien évident qu'un agriculteur, quelque chose qui, depuis la nuit des temps, quelque chose qui produit quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, exploitable, pour lui déjà, pour sa survie, ou pour la vente, il va s'en désintéresser. Donc au sein de l'association, comme je disais en arrivant tout à l'heure, nous avons deux piliers, on peut les citer, hein, ce sont des personnes publiques et abordables. On a deux piliers qui sont Roger Rostin et Roger Bourjac, on les appelle les piliers parce que le premier doit avoir 94 ans et le deuxième doit être son très jeune cadet, mais qui le suit quand même de près peut-être à une poignée d'années. Donc voilà, nos amis Roger Rostin et Roger Bourjac, quand on parle de faire quelque chose de la figue, de la figue fleur, ils nous regardent en disant ouais, peut-être les cochons et les poules, mais peut-être. Par contre, une nouvelle fois, je pense que la nature ne fait pas des choses juste pour s'occuper. Alors elle fait de très belles fleurs pour ravir un peu notre fibre esthétique et artistique à nous humains, ça c'est probable. Mais même les fleurs, elles sont pas de n'importe quelle couleur pour n'importe quelle raison, ou pour une raison complètement aléatoire. Donc moi je suis assez convaincu, je ne suis pas plus penché sur la question parce que s'occuper de la figue blanche en ce moment c'est déjà pas mal d'activités sans aller nécessairement en chercher d'autres. Mais je ne désespère pas qu'un jour on trouve une application, pourquoi pas phénoménale d'ailleurs, à la figue fleur, du figuier blanc de Salerne et à d'autres figues fleurs qui sont immangeables de par le monde. Ah, je répète, à l'intérieur, c'est du foin. Hein. Si vous voyez, si vous aimez les artichauts et que vous arrivez au fond de l'artichaut après avoir enlevé toutes les feuilles, ça ressemble un peu à ça. Donc je vous laisse juger des qualités gustatives que ça peut avoir, c'est-à-dire... Bon, d'ailleurs, on sait bien que les feuilles de figuier sont aussi comestibles, et on fait des tisanes, calmantes, euphorisantes... Oui, tout à fait, c'est un des arbres, un peu comme dans le cochon, où tout est bon, quoi. Alors le bois pas trop, en tout cas le bois de chauffage certainement pas, le bois du figuier est un bois très fragile, même quand il est vert sur un arbre. C'est pour ça qu'on déconseille de grimper dans les figuiers, parce que c'est une... c'est pas parce que... par surprotection, surprotection du monde moderne tel qu'on les connaît aujourd'hui avec les principes de précaution. Non, c'est tout simplement que la branche peut casser sans aucun préavis. Mmh. On a des arbres où on entend des craquements, où on se dit, tiens, faut mieux arrêter, il faut mieux revenir. L'arbre, il va craquer, mais en même temps, vous allez tomber, quoi. Donc, voilà. Mmh. Et on ne fait pas grand-chose non plus de ce bois, parce que c'est un bois, alors qui a l'avantage de son inconvénient, c'est un bois qui est très tendre, donc il se taille très facilement. Mais par contre, il y a beaucoup d'eau dans ce bois, et il est quasiment imbrûlable à l'état vert. C'est-à-dire que si on n'a pas un gros tas de broussailles pour bien préparer un feu qui va chauffer, et après seulement mettre des branches de figuier, là, généralement, ça prend. Mais si on se dit, tiens, j'ai un tas de branches toutes fraîchement coupées, ça partira jamais. Et donc, ça partira jamais, donc il va falloir les brûler après. Et quand on les brûle après, il y a l'après qui est bientôt, et il y a l'après qui est plus tard. L'après qui est bientôt, ça va brûler, mais ça tient pas du tout le feu. C'est pas du tout efficace pour produire des calories, ou en tout cas pour chauffer. Et si c'est un bientôt après, le bois sera quasiment à l'état de... pas de poudre, mais il va se déliter, il se délite quasiment dans la main. Donc des branches de figuier qu'on laisse une année dehors... Ça se décompose déjà, parfois. Mais c'est incroyable la vivacité quand même de l'arbre, parce qu'il pousse de partout, et c'est difficile si les gens veulent enlever... Les figuiers, ils ont du mal. Alors exact, il fait partie des arbres qui ont une forte réputation de têtu, je dirais, comme certains oliviers, hein, d'une manière générale. Enfin, pas certains oliviers, on le voit bien ici, hein, après le gel de 54, je crois. Après le gel de 54, il y a eu des tas d'agriculteurs qui ont enlevé leurs oliviers en se disant « ils sont foutus ». Ceux qui les ont laissés, ils ont bien fait parce qu'ils sont repartis, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a... On a souvent des configurations d'oliviers dans la région avec ce qu'on appelle des oliviers en réunion, où il y a plusieurs pousses qui sont reparties d'une même souche et qui aujourd'hui donnent 2, 3, 4 arbres à partir de la souche ancienne. Donc l'olivier est un arbre très résilient, et le figuier encore plus. Parce qu'il suffit d'être un peu observateur pour les voir pousser dans des endroits complètement inattendus. Je me souviens d'un olivier à Moustier-Sainte-Marie, complètement improbable, dans un mur, en plein village. Donc il a poussé là. Je me souviens aussi d'un endroit, les rives gauches du Verdon, dans un coin complètement paumé, où un figuier poussé entre le goudron de la route et le parapet en pierre au-dessus des gorges. Quoi. Complètement improbable. Voilà. Et il se reproduit aussi si la branche touche la terre, elle s'enracine. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle, tu dois connaître le mot, hein. C'est le principe du marcottage. Alors le marcottage, il peut avoir deux origines. Soit c'est un marcottage naturel, parce qu'effectivement, quand je dis pas grand-chose, c'est qu'il ne faut pas, de nombreuses années pour qu'une branche basse de figuier touche le sol, et aussitôt qu'elle a touché le sol, vont se développer, il y a un système racinaire qui va se développer. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des feuilles, au lieu de faire des bourgeons, au lieu de faire des rameaux, au lieu de faire des figues, par-dessous, ça va faire un système racinaire. Alors, donc soit il le fait naturellement, ce qui est très possible, mais il y a des techniques aussi qui sont utilisées très régulièrement pour effectivement descendre une branche. Alors je crois que c'est décrit dans le livre, là j'en profite pour présenter le livre qu'une de nos membres aussi de la première heure, Suzanne Lerda, a écrit. C'est le seul bouquin qui a été écrit sur la figue blanche de Salerne, avec une partie de ce que je peux, de ce que je sais vous en dire et de ce que j'ai appris depuis plusieurs années déjà. Mais dedans, par exemple, il y a effectivement le dessin fabuleux de comment marcoter votre figuier. Voilà, donc on descend Déjà, on ménage, on identifie la branche qui sera la plus propice. Et ensuite, eh bien, on la surveille et on en prend soin pour que quand elle arrive au sol, on peut aussi la faire descendre au sol. C'est-à-dire que si on a des branches existantes aujourd'hui qui sont suffisamment souples, ben, c'est pas très compliqué. Hein. On protège l'arbre, on lui met une petite corde et puis on tire la branche vers le sol avec un caillou, quoi que ce soit d'autre. Et puis progressivement, la branche va s'enraciner. Voilà. Donc ça c'est pour le barcotage. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est un arbre qui est incroyable de résistance et de résilience. Parce que, à titre d'exemple, tout à fait récent et tout à fait frais, nous travaillons avec deux horticulteurs pour gérer les plants. Parce que l'association, bien évidemment, produit des plants de figuiers et les met en vente également. Mais ils nous servent aussi à relancer ou à créer des nouveaux vergers, ce qu'on a fait aussi cette année à Surops avec un nouveau verger de 70 pieds de figuier, donc c'est déjà bien. Et pour revenir à mes moutons, ou en tout cas à mes plants de figuier, en l'espace de, je ne sais pas combien de temps on a mis, on était 4, en l'espace de une grosse semaine, on a retiré des arbres d'une grande partie des membres de l'association. L'an dernier, on a retiré des rejets, donc des gourmands, au pied de l'arbre. D'habitude, on les coupe. On les coupe pourquoi ? Parce que ce sont des parties de l'arbre qui sont très vigoureuses, très jeunes, et donc on appelle ça des tire-sèves. Ouais. Donc ça dit bien. Ben, j'ai pas besoin de développer plus avant, mais quand on appelle ça des tire-sèves, c'est que voilà, c'est quelque chose de très vigoureux. Ça peut paraître très encombrant, ça pousse au pied, ça pousse aussi plus loin parce que il fait pas que marcoter l'arbre. Parfois les racines sont à fleur de sol, donc on a des figuiers qui repoussent un peu plus loin. Et donc, d'habitude, quand on entretient une figuerée ou un verger de figues blanches de Salerne, eh bien on fait comme pour pas mal d'autres végétaux, on nettoie les pieds de telle sorte que la sève aille bien dans l'arbre et dans les fruits. Et l'an dernier, donc, on avait mis ce principe entre parenthèses. Et du coup, on s'est retrouvé quand même, bon an, mal an, à recréer un parc de plants de figuier, du petit au grand, de 600 plants. C'est énorme. Que vous déplacez ailleurs après. Alors, on déplace, on remet aux deux horticulteurs avec lesquels on travaille. Et eux sont chargés ensuite de les mettre en pot, d'en prendre soin, et puis de les tenir à disposition pour la vente, ou comme je disais à l'instant, pour toute replantation ou création d'un verger de figues blanches de Salerne, puisque c'est un des buts, on va y venir tout à l'heure, mais c'est un des buts de l'association, c'est effectivement de redévelopper le figuier blanc de Salerne. Et j'aimerais demander, parce que tu as parlé de fleurs qui sont cachées, est-ce que les figuiers ils profitent des insectes pollinisateurs ou... Tu as dit les fleurs sont cachées, c'est ça? Tu as raison, on est parti de là. Mais effectivement, la fleur, le paradoxe dans le figuier, et ça c'est propre à tous les figuiers hein, par contre, c'est que la fleur pousse à... Je suis agressé par des mouches là. La fleur pousse à l'intérieur du fruit. C'est complètement improbable en fait. Hein. Mmh. Et pourtant c'est le cas. Donc qu'est-ce qui se passe pour qu'une figue fruit devienne bien une figue fruit un jour? Tout simplement, il suffit qu'un petit insecte qui relève du millimètre, je crois. On a une photo dans le bouquin aussi, mais ça se trouve facilement sur Internet. Hein. Pour que ce petit insecte, très sympathique au demeurant, qui s'appelle le blastophage, alors c'est encore relativement facile à retenir comme nom, il y a des maladies et puis des insectes qui agressent le figuier dont les noms sont beaucoup plus compliqués à retenir, et on a un insecte qui ressemble à une mouche. Là, je montre à... Voilà, c'est pour ça qu'il y a des tas de gens qui nous disent « Ah oui, mais c'est la mouche qui... » Ouais, mais c'est... Un, c'est pas une mouche. Mais à la limite, pourquoi pas, des mouches, il y en a de différentes sortes. C'est plutôt une fourmi ailée, en fait, hein. Mais c'est ni une fourmi ni une mouche, ça s'appelle un blastophage. On voit sur les photos que c'est un animal qui doit faire 3 mm au plus grand de sa taille. Mmh. Allez, 5 si c'est un ancien, mais je pense pas que ça vive très longtemps. Donc le blastophage, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il trouve son chemin par l'ostiole de la figue. L'ostiole, c'est le trou qu'il y a sous la figue. Et vous savez tous, toutes les figues ont un trou dessous. Oui, c'est justement pour permettre l'entrée du blastophage qui va venir. Alors, il y a des blastophages femelles, il y a des blastophages mâles, il y a des figuiers mâles, il y a des figuiers femelles, il y a des figuiers androgynes. Donc, ne me demandez pas trop après, là, parce que ça relève vraiment du doctorat en biologie appliquée aux figuiers, quoi. Toujours est-il que le blastophage, une fois qu'il est rentré, ben c'est gagné. C'est lui qui va féconder et qui va permettre le développement de la fille et son aboutissement en fruits comestibles. Alors bon, je voudrais inquiéter personne, hein, mais sachez que quand vous mangez une figue, dedans il y a quelques milligrammes, microgrammes, je ne sais pas jusqu'où on peut descendre en termes de poids aujourd'hui, mais en tout cas, il y a forcément quelques résidus de blastophage, mais bon, on dit après tout que ça se mange, que les insectes se mangent aussi, et franchement, ça altère pas le goût. Mais en fait, le blastophage qui rentre dans la fille ne ressortira jamais. Ah. Voilà. C'est un piège. C'est une terrible nouvelle, mais bon, il ne ressortira jamais par ailleurs que par votre estomac. Voilà, donc ça c'est intéressant. Quelques particularités encore sur le figuier. C'est un arbre qui est très jaloux de ses fruits et qui a de nombreux moyens de les protéger, mais aussi de les nourrir. Alors on va commencer par les nourrir. Quand on regarde un figuier de près, et je pense là par contre aussi que c'est le cas sur tous les figuiers, il n'y a pas de figue sans qu'elle soit associée à une feuille. Mmh. Voilà. Et c'est pas un hasard non plus. Pourquoi ? Parce que la feuille du figuier a cette caractéristique d'avoir une surface qui ressemble au toucher à du papier de verre, bien souvent. Et que ça, c'est en lien avec sa capacité à recevoir, collecter et distribuer l'eau. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Pourquoi j'emploie ce terme-là, parce que qui est un peu trivial, c'est parce que c'est vraiment quelque chose de fou. En fait, une feuille de figuier à l'état de repos, c'est très plat. Dès que la pluie s'annonce, ça va se ressaisir un petit peu. Et dès que la pluie tombe, ça va se refermer. C'est pas une plante carnivore non plus, hein, mais en tout cas la feuille va se contracter et va devenir un contenant d'eau. Mm-hmm. Pareil, hein, il n'y a pas 36 litres, mais vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Ça va devenir un contenant d'eau dont la caractéristique justement de cette rugosité de la feuille va renforcer la capacité de la feuille à retenir l'eau. Mm-hmm. Parce que c'est pas lisse du tout. Alors l'eau, effectivement, ça s'attrape difficilement autrement que dans un verre, c'est sûr, mais pour une feuille de figuier, c'est déjà énorme. La manière dont est constituée, la manière et la nature de la constitution de la feuille est telle que cet aspect rugueux et cette caractéristique rugueuse va déjà retenir l'eau. La feuille va se recroqueviller un petit peu. Et où est-ce qu'arrive le pédoncule de la feuille ? Au fond des récipients, là. Au fond du récipient. Mais effectivement, une fois que la feuille est gorgée d'eau, par gravité, l'eau va s'évacuer. Mais elle va s'évacuer par le pédoncule de la feuille, qui arrive au pied du pédoncule de la figue. Mmh. C'est pour ça que j'ai dit c'est un truc de fou, parce que... parce que c'est... C'est comme la, les ruisseaux qui... Exactement, c'est complètement bluffant quand on... Moi, je m'occupe de filiers depuis 6 ans seulement, mais c'est vrai qu'en en constatant ça, je me dis, mais c'est incroyablement bien fait, quoi. Parce qu'on a, on pourrait se dire effectivement quelle dérision de faire une fille avec des, avec un aspect, enfin avec un extérieur un peu granité, un peu papier de verre, ouais, pour retenir quoi en eau, pour retenir quoi en eau, pas de quoi effectivement assurer une consommation d'eau pour un être humain, mais vous imaginez quoi, la taille d'une feuille par rapport à une figue. Et le fait que ce système, il est complètement autonome, la feuille va systématiquement pousser au-dessus, en dessous, je ne sais plus. Enfin, ça ne change pas grand-chose d'ailleurs, parce que vu la nature des branches. Pas. Mais en tout cas, la feuille va forcément être associée à une figue, et inversement. Moi, je n'ai jamais vu, en les ramassant depuis 6 ans, je n'ai jamais vu une figue qui ne soit pas associée à une feuille. Mais maintenant, enfin, à l'observation, on sait pourquoi. Tout simplement que la feuille va servir de réservoir d'eau et de distillateur d'eau à la figue, pas au figuier, à la figue qui est située juste au pied de son propre pédoncule. Donc c'est un truc. Il y a peut-être d'autres choses. Le circuit court. Oui, c'est ça. Il y a peut-être d'autres choses, d'autres végétaux qui sont comme ça. Mais bon, comme moi, je suis intéressé, je suis passionné par la figue. J'ai observé ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Voilà. Donc quand même, ça veut dire que quand même il y a très peu d'eau, eh bien tout va participer au fait de nourrir et d'abreuver les figues une par une dans un figuier. Voilà. Alors je disais aussi que ça se défend bien. Pourquoi? Parce que cette feuille, je viens de le dire, elle est abrasive. Donc ça, c'est le premier obstacle. Et le deuxième obstacle, c'est que la figue, quand on la retire de l'arbre, quand on retire une feuille également, l'espace créé par cette récolte, cet arrachage de feuilles, va libérer ce qu'on appelle du lait de figuier, donc de la sève blanche, qui est suffisamment dangereuse, est suffisamment redoutable pour créer des blessures, des brûlures au deuxième degré. Donc, il n'y a qu'à voir un figuier qui n'est pas très entretenu. C'est déjà assez fouillis comme ça pour y rentrer. On commence par être exposé aux feuilles. Les feuilles sont aussi dangereuses, même pour les yeux, j'en sais quelque chose. Hein. J'ai pris une feuille de figuier dans la cornée il y a quelques années, ça s'est fini à l'hôpital quand même, avec des lentilles spéciales pour être sûr de ne pas perdre... une partie de la vue, donc rien que ça, elle est coupante, donc il faut surtout pas se retourner brusquement sans s'être assuré qu'il n'y a pas des feuilles, parce que ça peut finir dans l'œil et ça peut être effectivement très préjudiciable. Et comme si ça suffisait pas, une fois que vous faites le gourmand en allant récolter vos figues, si vous faites pas attention et que vous ramassez une goutte de lait de figue sur la peau, c'est une brûlure au deuxième degré assurée. D'ailleurs, pour ceux que ça pourrait intéresser, le lait de figue, comme la bave d'escargot, mais je pense que c'est peut-être plus difficile d'obtenir de la bave d'escargot que du lait de figue, en tout cas selon la saison, le lait de figue est réputé pour soigner les verrues, naturellement. C'est-à-dire que une goutte, vraiment une goutte, parce que parfois... C'est corrosif, ça ranche, mais... Donc effectivement, une goutte de lait de figue posée sur une verrue, c'est fini, pas besoin d'aller se la faire enlever chez le dermato à l'oxygène. Ça peut marcher, mais il y a des verrues qui sont... Ah oui, il y en a qui résistent. Il faut peut-être pas les traiter comme ça, il faut peut-être aller demander s'il y a rien d'autre derrière. Oui. Mais une verrue simple, ça s'en va très bien. Voilà, donc ça c'était pour l'arbre en lui-même, et puis... Et comment ça se passe qu'il y a des figuiers qui donnent des fruits très bonnes, comestibles, et il y a d'autres figuiers qui donnent des fruits qui sont... Parce que j'ai entendu qu'il fallait greffer les figuiers pour qu'ils donnent des... Alors, moi j'ai entendu aussi, mais je crois que c'est plutôt quand on veut croiser des types de figuiers. Parce que moi je fais pousser des figuiers aussi, et quand on... pardon, quand on reconstitue des stocks de figuier, ou quand on a des stocks de figuier et qu'on met nos plants en vente, on n'a jamais besoin de donner comme consigne, vous prenez un figuier, mais faites attention, dans 2 ans, à la 3e lunaison, après le passage du vent du nord, déduit et rapporté sur la fréquence de Schumann, exposé à la pleine lune, il faudra penser à le greffer. Quoi. Non, ça, c'est... non, quand on confie un plan de figuier à quelqu'un, on lui conseille quand même de le planter, comme beaucoup de choses, au mois de novembre, à la Sainte-Catherine, de l'arroser quand même régulièrement et correctement la première année, et rien d'autre. Après, bon, selon la taille, il faut attendre entre 5 et 7 ans pour avoir les premières figues, mais rien d'autre. Moi, je replante des figuiers. C'est-à-dire que si on prend les plants d'un arbre qui donne des bonnes figues, normalement, on va recevoir ça. Et j'ai entendu qu'il suffit d'avoir quelques centimètres d'une branche mise dans la terre arrosée, que ça peut... Complètement. Il ne faut pas grand-chose. Il ne faut vraiment pas grand-chose. Quand je dis ça, c'est parce qu'on a effectivement des plants de toute taille. Parce qu'il est évident, tout le monde aura bien compris, que ce qui est plus intéressant quand on replante un arbre, c'est ce que l'on retire en termes de système racinaire qu'en termes d'aérien. Mmh. L'aérien, j'en ai replanté quelques-uns, mais cette année, je les ai vraiment mal plantés, enfin, je les ai plantés à la mauvaise époque. Donc je sais pourquoi j'ai eu le résultat que j'avais. Mais on peut planter de très beaux rejets qui font 1 mètre, 1,50 m. Seulement si en enlevant le rejet, on a juste retiré une petite poignée de fil et donc de racines sur le morceau qui était enterré. Mmh. L'inverse, par contre, marche à tous les coups, c'est-à-dire qu'on peut avoir des plants beaucoup plus petits, donc ce que tu étais en train de dire, mais pour peu qu'on ait une belle racine avec un beau système racinaire, c'est certainement ça qu'il faut privilégier plutôt que le grand... Qui va déjà, par sa taille, être en demande d'énergie, en provenance du sol notamment, pour assurer sa taille. Quoi. Enfin, pour assurer sa taille, pour assurer déjà sa bonne mise en terre, quoi, sa bonne implantation. Mmh. Alors si en plus de ça, il est grand, qu'il y a du bois... Il est difficile à nourrir déjà. Déjà, il ne démarre pas très bien. Tandis qu'un petit arbre qui a un système racinaire très puissant, bien développé, il va vivre tout seul. Voilà. Mmh. Et aussi, astuce de nos anciens, mais ça, faut déjà être dans un endroit, ou pas loin d'un endroit où il y a des figuiers intéressants, il n'est pas du tout obligatoire de laisser un rejet de figuier une année dans un pot, voire 2 années, le temps qu'il se développe. On peut techniquement, sans aucun problème, enlever un rejet, aller le mettre dans un trou qu'on aura préparé, refermer le trou dans la même heure, quoi, dans la même heure ou dans la même journée. Quoi. Mm-hmm. Ou la veille, on enlève les rejets. Et bien arrosé. Le lendemain matin, il est dans son trou et c'est quasiment du 100%. Mm-hmm. Voilà. C'est hyper résilient. Donc voilà un peu pour l'arbre. Qu'en dire d'autre? Peut-être qu'on va parler de la récolte en présentant l'association, parce que c'est aussi une activité un peu assez centrale dans la vie de cette association du Figwood. On peut parler vite fait un peu de l'histoire, parce qu'elle est assez intéressante aussi, cette histoire. Comment est arrivé le figuier blanc de Salerne, dans Salerne et sa région? Alors, petit aparté très rapide, on dit figuier blanc de Salerne. C'est pas parce que j'habite moi-même Salerne. Et que Suzanne, d'ailleurs, a intitulé son livre « La fille blanche, certes, mais de Salerne ». C'est tout simplement parce que dans différents textes anciens, dont certains remontent à Richelieu, était mentionné « La fille blanche de Salerne ». Pour continuer dans ce préambule, qui est à la fois une aparté et un préambule, la fille blanche de Salerne, historiquement, ce sont 4 communes. Le bassin historique de la fille blanche de Salerne était constitué de Salerne, Cotignac, Entrecasteaux et Saint-Antonin, où nous sommes aujourd'hui. Mmh. Ce qui n'est pas un hasard, comme j'en parlais à Darek tout à l'heure. Donc voilà, comment est arrivée la figue blanche de Salerne à Salerne? Eh bien, il y a deux voies qui sont identifiées, en tout cas deux voies principales. C'est soit donc les colons grecs en rentrant par Marseille, qui auraient amené aussi un figuier blanc. Seulement, ça veut dire qu'ils l'auraient amené de Grèce, et sous réserve d'inventaire et puis d'études assez poussées, en Grèce, le figuier blanc n'est pas reconnu. Je peux expliquer un peu pourquoi tout de suite, pourquoi c'est possible que ça ne soit pas reconnu et pourquoi il est aussi possible qu'il soit quand même aussi en Grèce. Parce que la figue blanche de Salerne n'est pas ce qu'on appelle une figue de table. Mmh. Elle est très bonne, enfin, je veux dire, quand elle est mûre, c'est un régal, mais ce n'est pas une figue de table comme la figue noire de Solliès-Pont, qui s'appelle d'ailleurs, pour la petite histoire, la Bourgeassotte, qui elle est une figue de table. La figue blanche de Salerne, ce qui fait son intérêt, on y reviendra plus longuement tout à l'heure en présentant l'association et ses actions, la figue blanche de Salerne, l'intérêt premier, ou en tout cas le cadeau premier de la figue blanche de Salerne, c'est que c'est la seule figue connue qui puisse être cuite, qui puisse être trempée, qui puisse... Tu as un souci c'est la seule figue donc qui supporte les opérations de confisage. C'est-à-dire tremper dans un sirop une fois, deux fois, trois fois, puis après quatre fois, cinq fois, six fois, selon le produit qu'on veut obtenir. Voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, si on n'a pas de tradition... Elle garde son intégrité, Tout à fait, les autres éclatent, ils se fendent. Mmh. Voilà, et ce qui est un peu dommage, parce que l'intérêt... c'est de confier la figue en entier et surtout par l'intérieur. Donc si elle est ouverte, bon, au-delà de l'aspect esthétique, mais bon, en tout cas, c'est la seule figue qui permet d'être qui peut être confite. Enfin, je disais ça par rapport au pays, parce que possible d'implantation, ouais, en revenant à la Grèce, le confisage, je ne sais pas trop s'il existait, s'il était possible à l'époque en Grèce. Et si c'est pas si cette application entre guillemets, si c'est ce produit dérivé n'est pas identifié, ben ça veut dire par défaut que les populations locales, je disais un peu comme tout à l'heure au début de cette intervention, si c'est pas mangeable tout de suite, si c'est pas vendable, ils s'en désintéressent. Donc ils vont privilégier en Grèce ou ailleurs, ils vont privilégier, mettons une figue comme la Bourgeassotte de Solliès-Pont, si tant est qu'elle soit là-bas, mais enfin, une figue de ce type-là, qui est une figue qui peut être très grosse, donc très nutritive, et qui est mangeable à l'état frais. Quid des opérations de confisage de fruits par les Grecs à leur plus belle période, quand ils sont arrivés à Marseille, Massalia à l'époque, moi j'en sais rien du tout. Une nouvelle fois, hein. Comme j'en sais rien, je vais pas. Mais ma petite idée me dit que passer du temps à faire du fruit confit à l'époque, si on a des grosses figues à côté que l'on peut manger tout de suite, faire sécher, la question ne va pas se poser longtemps. Donc voilà. Donc il y a cette... longévité d'un arbre. Pardon ? Longévité d'un arbre. Ça parce que c'est l'arbre qui peut durer comme olivier pendant des centaines d'années. Oui, oui. Les durées de vie des figuiers. Alors il y a des figuiers très connus. Notamment dans le bouquin de Suzanne, il y a une photo d'un figuier qui était un figuier à Roscoff. Mmh. Alors Roscoff, c'est pas Rostov sur le nom ou Rostov ailleurs dans les pays de l'Est, c'est Roscoff en Bretagne. Mmh. Donc, il y a un figuier énorme qui faisait 2,50 m de diamètre de mémoire. Mmh. Alors c'est pareil, on se gardera d'essayer d'apprécier la qualité des fruits, ça c'est... On n'a pas la mémoire, mais on a la mémoire de figuiers qui ont plusieurs centaines d'années, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et je dirais même quand des troncs ou des branches de charpente finissent par fatiguer, parce que ça fatigue aussi, hein, le soleil, les intempéries, le gel, les fourmis qui aiment beaucoup se balader dans et sur les figuiers. Même malgré ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un autre arbre quand l'agriculteur ou le propriétaire a pris soin de privilégier un ou deux rejets qui vont se substituer de toute façon à la branche ou au tronc principal un jour ou l'autre. Je dirais qu'à ce titre-là, c'est éternel, forcément. Un peu comme les figuiers. On le sait, hein. Comme un olivier. Merci, Darek. On sait que les autres arbres fruitiers ont des durées de vie limitées. Là où j'habite, il y avait 300 abricotiers, il en reste plus que 3. Et quand je suis arrivé, il y en avait 4. Il y en a un qui est mort entre-temps. Il y avait des cerisiers, j'en ai plus qu'un. On sait que ça dure une durée de vie limitée. On voit la difficulté et la longévité de pruniers, de poiriers. Qu'est-ce qui est fragile de... Les amandiers aussi. Alors, quand ça a bien pris, ça a bien pris. Mais ces arbres-là ont une vie limitée. Un cerisier, un abricotier, au-delà de 30 ans, s'il est bien là où il se trouve, tant mieux, quoi. Il va continuer. Hein. Mais j'avais 2 cerisiers en arrivant, j'en ai déjà plus qu'un. Bon, c'était 2 cerisiers, hein. Ils ne sont pas morts en 6 ans. Hein. Mais sur deux cerisiers, j'en ai plus qu'un. Voilà. Donc c'est la sécheresse peut-être. De toute façon, quelle que soit l'activité agricole que l'on peut avoir à titre privé ou à titre professionnel, c'est pareil partout pour tout le monde en ce moment. Hein. Donc, on parlera des chiffres tout à l'heure de récolte, c'est assez édifiant. Hein. Mais pour la faire courte, depuis 6 ans, là, on a dû prendre 3 canicules. Je ne parle pas des périodes de forte chaleur, je parle aussi des canicules. Donc on sait que la canicule, c'est quand il y a moins de 10 degrés et moins entre le jour et la nuit. Donc ça ne veut pas dire que cette année, on n'a pas été nécessaire. Enfin, moi, je n'ai pas remarqué qu'on ait été sous canicule. Il a fait très chaud dans la journée, jusqu'à 40 degrés. Sauf que la nuit... descendait quand même à aux alentours d'une vingtaine de degrés, ce qui est déjà pour une nuit, c'est déjà assez chaud. Mais on voit bien que par rapport à la définition de la canicule, on n'y était pas. Donc entre les très fortes chaleurs, le manque d'eau, les sécheresses, les canicules et le gel, c'est sûr que ces dernières années n'ont pas été faciles, mais après il suffit que la pluie arrive au bon moment, que la pollinisation, ou en tout cas la fécondation des fruits soit faite quand les conditions sont favorables, il faut pas grand chose. Hein. On sait, petit aparté sur les oliviers se pollinisent par le vent. Donc il suffit qu'il y ait très peu de vent, pas de vent, ou un vent mal orienté au moment où il y a des fleurs dans les figuiers pour que la récolte. En tout cas, c'est une forte incidence et très, très directe. Hein. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à ta question, pour retourner sur l'aspect historique. La deuxième piste, qui est la plus répandue chez nous, et elle est d'autant plus répandue qu'elle est beaucoup mieux documentée que la première, donc ça commence déjà par ça, c'est un retour de croisade, comme quoi les croisades ont du bon. Je ne sais pas s'il ne faudra pas effacer, mais on ne pourra pas effacer de toute façon. Donc pourquoi les croisades ont eu du bon? Parce qu'un jour il y a un seigneur de Salerne avec ses petits copains de la région qui est parti de Salerne. Il s'appelle Boniface IV, s'il y a quelques noms à retenir, au moins retenons celui-ci. Boniface IV donc est parti non pas à la première croisade mais à une des suivantes, puisqu'il est parti avec il était dans la troupe qui est partie sous le commandement de Saint-Louis et de Charles d'Anjou. Voilà, donc c'est les croisades, il y en a 8, si mes souvenirs sont bons, mais je suis certain que ce n'est pas la première. Donc, d'ailleurs, Saint-Louis n'était peut-être pas né au moment de la première croisade, donc ça tombe bien. Tout ça pour dire effectivement qu'à cette croisade-là, les Salernois ont pris le chemin des terres. Ils n'ont pas choisi d'embarquer n'importe de Taillemort ou de Toulon-Hyères ou de Marseille. Donc ils ont pris la route terrestre et un jour ils sont arrivés dans les environs de Salerne, en Italie. D'où le petit truc sympathique et d'où aussi un petit clin d'œil de l'histoire et de l'agriculture, ou de l'histoire de l'agriculture, ou inversement, de, de l'agriculture historique. Pourquoi ? Parce qu'un jour, ils se sont retrouvés à Salerne, ou dans les environs de Salerne. Toujours est-il qu'ils sont, ils se sont, c'est eux qui se sont retrouvés assiégés dans une forteresse où ils s'étaient établis. Et le siège passait, et comme on le sait, enfin, comme des gens qui aiment ce domaine-là le savent bien, quand on n'est pas trop pressé, il suffit d'attendre. C'est pas la peine d'aller risquer la vie de ses propres soldats. Il suffit d'attendre. Surtout quand on est face à un bâti qui est assez rédhibitoire d'aspect et qui incite pas nécessairement à la joie de vivre. Donc il suffit d'attendre et que les réserves s'épuisent, aussi bien en eau qu'en nourriture, pour que la garnison finisse par demander à se rendre. Sauf que là, les jours passant, forcément, les réserves s'amenuisaient, et il s'est passé qu'à l'occasion d'une des attaques de la forteresse, donc par les non-salernois, les salernois et ceux de la région étant à l'intérieur, il s'est passé que les assaillants ont fait tomber un mur d'enceinte qui a découvert, et je dis ça, j'invente pas, mais l'histoire est suffisamment marquante et suffisamment intéressante pour parler de la fille blanche de Salerne, qu'elle mérite de... Elle mérite vraiment d'être contée, d'être racontée et retenue. Et il se trouve qu'en tombant, ce mur a découvert des caves anciennes dans lesquelles ils ont retrouvé des jarres remplies de figues séchées, conservées dans l'huile d'olive. Et ce sont les jarres qui ont permis aux assiégés de tenir le siège et de sortir victorieux de ce siège. Donc, notre camarade Boniface IV, quand il a vu ça, il s'est dit « C'est quoi ce truc magique ?» Parce que forcément, la figue est réputée, surtout quand elle est sèche, pour avoir des qualités nutritives absolument exceptionnelles et contenir suffisamment de sucre pour assurer une bonne ration de calories quotidienne à celui qui va en manger. Donc, il s'est dit « Ça, on va pas le perdre de vue. » Je vous passerai les épisodes ou la suite du périple de Boniface IV, s'il est allé jusqu'au bout de la croisade ou s'il a préféré revenir exploiter tout de suite le figuier blanc de Salerne. En tout cas, et toujours est-il, qu'ils sont revenus avec des plans, forcément. Et l'histoire est assez clin d'œil, comme elle peut en avoir avec la région de Carnac en Bretagne et la région de Carnac en Égypte. C'est des parallèles que j'aime beaucoup reprendre, parce que je les trouve tout à fait géniaux par la nature des sites. Et bien, toujours est-il que la fille blanche de Salerne est arrivée à Salerne. Alors parfois on voit fille blanche de Salerne écrit sans S, alors il y a des gens qui disent ah ouais, mais donc ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment de Salerne, et c'est plutôt Salerne en Sicile. Et on n'est jamais à l'abri d'une erreur de retranscription. Quand on fait des vieux bouquins comme ça, des vieux parchemins, avant l'impression de l'imprimerie par Gutenberg, on peut toujours avoir des doutes. On sait tous aussi, les gens qui aiment un peu les vieux manuscrits, on sait tous que la manière dont on écrivait le vieux François à l'époque... Il faut quand même savoir que les S étaient écrits comme des F, entre autres. Donc on n'est pas à l'abri d'une erreur de transcription, de retranscription. Et quand bien même, en tout cas, cette fille, c'est sûr qu'on ne peut pas le nier, elle vient de la région... Enfin, son introduction à Salerne et dans les trois autres communes dont j'ai cité le nom tout à l'heure, ou je ne sais plus d'ailleurs si je l'ai cité en direct ou en discutant. Donc les trois autres communes sont Saint-Antonin, entre Castaux et Cotignac. On sait donc que, formellement en tout cas, les figuiers blancs de Salerne ont été ramenés par Boniface IV à l'occasion d'un retour de croisade. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire, la grande histoire, et quelque part aussi, du coup, la belle histoire. Pourquoi il les a ramenés d'ailleurs? Parce que à l'époque, pour ceux que le sujet intéresse, voire passionne, chaque, euh, chaque particularisme régional ou local qui peut être exploitable à la fois pour la propre survie des gens du lieu et pour l'enrichissement des gens du lieu, est forcément considéré comme une source d'abondance, d'une manière ou d'une autre. La renommée, puis surtout la richesse. Et quand on parle de bassin géographique historique, c'est tout simplement parce que les seigneurs conservaient jalousement sur leur territoire des choses comme le sel. Quand certains avaient une mine de sel pour la saumure, je donne cet exemple-là parce que c'est le plus connu. C'est le sel a fait la richesse de nombreuses villes dans le monde, notamment en Europe, mais parce que c'est l'histoire la plus récente que l'on connaisse et qui soit largement documentée. Et donc la figue, la figue était une spécificité locale. Alors, je ne dirais pas comme les bêtises de Cambrai, parce que les bêtises de Cambrai, ça procède de la même histoire, c'est-à-dire que les bêtises de Cambrai, c'est une recette qui était connue à l'endroit. Il y a plein de choses comme ça. Surtout culinaire, où effectivement un nom d'un produit ou d'un fruit ou d'un légume est associé à un terroir, parce que effectivement c'est pas nécessairement qu'il s'y trouvait mieux là qu'ailleurs, mais comme c'était quelque chose de recherché et créateur de richesse à l'époque et encore maintenant quelque part, dans une moindre mesure mais quand même. Effectivement, les seigneurs locaux à l'époque et les responsables locaux encore aujourd'hui se disent que c'est quelque chose qui est très précieux, qui nous apporte une source de richesse. Si d'autres en font, ils viendront plus chez nous, ils les feront eux-mêmes, etc. etc., etc. Et j'ai entendu dire, il faudrait vérifier, j'ai entendu dire que les. Donc, Salerne, Boniface IV, c'est Salerne. J'ai entendu dire que, ou j'ai compris, j'ai pu comprendre des échanges avec nos anciens, mais ça, c'est facilement vérifiable, que si ensuite ces plans se sont retrouvés entre Castaux, à Saint-Antonin et à Cotignac, c'est par le jeu, et uniquement le jeu, des mariages et des dotations en mariage. C'est-à-dire, ok, mon fils, prends ta figue, mais s'il te plaît, tu nous mets dans l'eau une cinquantaine de rejets de figuier blanc de Salerne, parce qu'effectivement, c'était une source. Alors, il y a d'autres figuiers dans la région, mais celui-ci, pour la raison que j'ai évoquée, le confisage et ensuite sa capacité à être séché et donc conservé, ont fait que ça a été une source de richesse. Donc c'est facile à retenir, retour par Boniface IV de Salerne, qui était parti de Salerne, et par dotation, par mariage, progressivement, les seigneurs, c'était la famille de Boniface IV, c'était à l'époque une des deux plus grandes familles de la région, quand je dis la région, c'est au sens très très étendu, Boniface IV était de la famille des Castellanes. La deuxième famille est très connue étant la famille des Pontevès. Et donc, il y a seigneur et seigneur, c'est-à-dire que dans le système féodal, il y a forcément une hiérarchie. Donc, il y a le petit seigneur local, il y a le baron, il y a le comte, il y a le duc, etc. etc. Donc, le seigneur de Salerne à l'époque était Boniface IV, de la famille des Castellanes, et par le jeu des mariages et des dotations en mariage, le bassin historique s'est étendu de Salerne à Entrecasteaux, Cotignac et Saint-Antonin. Et c'était pas en même temps les terres des Templiers après. Ah oui, mais des Templiers, il y en a eu partout. Et puis effectivement, les Castellanes et puis les Pontevès ont formé de nouveaux contingents de Templiers et les locaux aussi, puisque. Mais de toute façon, les Templiers étant répandus sur à peu près 6 à 7 000 commanderies dans toute l'Europe, ils étaient aussi forcément, implantés, enfin, c'est documenté aussi, ils étaient forcément largement implantés dans la région, puisque de mémoire, je crois qu'une commanderie comme le Ruoux, qui n'est pas très loin de chez nous, avait des terres sur 80 communes autour d'elle. Donc c'est ça en met loin quand même. Le Loup, c'est Villecrose. On voit bien tout de suite les villages autour, mais ça veut dire quand même que certains endroits dans le 04, certains endroits dans le 13 et dans le 06 relevaient de la commanderie du Loup. Voilà, donc c'était c'est une grosse commanderie quand même. 80. Et c'est vrai que pour le transport, pour les militaires, les figues pour qui se conservaient bien, ça pouvait être intéressant quand on était sur le territoire des Némidis. Forcément. C'est quelque chose qui est facile à transporter, qui ne demandait pas. Il se trouve qu'en Italie, ils ont trouvé conservés dans des amphores dans l'huile d'olive. Mais on sait tous, ça se conserve sec. Une figue, donc, ça se glisse dans une poche. Si on veut les emballer dans un petit bout de tissu, on peut, mais on peut même se passer de ça. Quoi. Donc, pour une qualité nutritive qui est phénoménale. Et d'ailleurs, on pense qu'il y a beaucoup de famines qui ont pu être surmontées avec succès dans la région, grâce notamment aux figues séchées. C'est ce qui mangeait l'hiver. Et c'est peut-être pour cela qu'on attend des figuiers ici. Oui. Il y en a énormément, des blancs et les autres d'ailleurs. Et pour en revenir, et pour rassurer tout le monde aussi, s'il y a un trésor des Templiers qui existe, je le rassure tout de suite, c'est pas la figue blanche de Salerne. Voilà. Mais bon, forcément qu'ils en ont entendu parler, vu les époques. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le côté historique. Tu as des questions sur l'aspect historique de la figue blanche, son parcours? Le commerce était connu dans toute l'Europe, parce que là, en Pologne aussi, on parle des figues, on connaît. Par contre, ça devait être quelque chose tellement rare qu'il y a un proverbe qui est gardé jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On t'en dit, si on montre les symboles, les pouces entre l'index et les... Ouais. En disant, tu n'auras rien. Ouais. C'est-à-dire, je te promets la figue avec des pavots. C'est-à-dire, la figue, on peut promettre à quelqu'un une figue, mais c'est tellement difficile de D'accord, faire venir okay. que c'est comme... Et c'est un proverbe que tu nous ramènes de Pologne ou, Oui, c'est ce qu'on dit. En Pologne, alors, on met le pouce entre l'index et le majeur. Voilà. Et on ferme le point. Voilà. Ok. Et ça veut dire que tu n'auras rien. Tu n'auras rien, pas plus qu'une figue. C'est ça? On dit que tu auras la figue avec les pavots. D'accord. C'est-à-dire tu n'auras pas la figue, parce que la figue, c'est tellement difficile à voir que tu n'auras rien. D'accord. A priori. Parce que tu veux dire aussi qu'en Pologne, il y a peut-être des figuiers qui poussent? Non, il n'y a pas de figuier. Il n'y a pas de figuier du tout. Non. Même ceux qui sont endémiques, comme en Bretagne. Je n'ai jamais vu. Il fait froid. Il fait plus froid. Ouais, c'est continental. Parce que la Bretagne, on parle de Roscoff. Pour un exemple connu dont je te parlais tout à l'heure, mais Roscoff, c'est en bord de mer. Roscoff, c'est pour ceux qui ont une bonne vue, c'est en vue des îles anglo-saxonnes. Comment on appelle ça les îles anglo-saxonnes? Chausey, Jersey. Non, c'est un autre nom pourtant, les îles anglo-saxonnes. Bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, sur ces îles-là, il y a des palmiers. Donc on comprend bien que même si on est haut, même si on remonte vers le nord de l'Europe, il y a quand même ce climat tempéré qu'il n'y a forcément pas en plein centre de la Pologne. Les températures habituelles d'hiver peuvent descendre jusqu'à 22 degrés moins au-dessus D'accord. des zéro. Donc pour résumer, pour répéter, quand on montre à quelqu'un son point fermé avec le pouce qui sort entre l'index et le majeur, en Pologne, ça veut dire que tu n'auras pas plus qu'une fille, que de toute façon, tu n'auras rien. Tu n'auras rien du tout. Rien. Voilà, je te promets. Je te promets ça, rien. C'est... Je te promets rien. Ouais. Voilà. Mais c'est lié à la fille. C'est lié à la fille. Donc ça veut dire que les filles avec étaient des pavots. Connues en Pologne, parce qu'elles transitaient sur les voies commerciales, mais elles n'étaient de fait pas cultivées en Pologne. Voilà, elles étaient tellement rares que c'était tellement rare. Ah ouais, intéressant. Raritas, ah ouais. On dit. D'un coup, je te remercie de ce partage enrichissant, local et authentique. Quoi. Voilà. Pour l'histoire, je pense que c'est à peu près tout. On a donc parlé de l'arbre figuier en général, du figuier en général, un petit peu du figuier blanc de Salerne aussi. On l'a localisé, on l'a situé dans l'histoire aussi. Pourquoi ce figuier blanc et pourquoi à Salerne? Moi, j'aurais une question. Oui, bien sûr. Par rapport à pourquoi certaines années, il y en a beaucoup. Oui. Et les autres, non. Et en plus, c'est différentes périodes que les figues apparaissent. Alors, c'est... moi, je dirais que, on en a parlé il y a quelques instants, c'est qu'on subit, enfin, on subit, les gens qui ont des figuiers et des figuiers blancs de Salerne subissent, comme l'ensemble de tous les agriculteurs et de tous ceux qui s'intéressent au végétal et à ces produits, on subit les chocs climatiques, ça c'est clair. Mais ça n'explique pas tout aussi. Pourquoi ? Parce que, encore une petite parenthèse, mais ça ce sont des parenthèses, je dirais, utiles et consistantes, parce que ce sont des parenthèses de gens qui ont vécu les choses, et ça m'a été rapporté de première main par quelqu'un qui l'a vu. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ici, il n'y avait quasiment plus d'eau dans la Bresque. Il n'y avait quasiment plus d'eau dans la Bresque. Et pourtant, l'utilisation et l'importance de la Bresque étaient sans commune mesure avec celle d'aujourd'hui. Beaucoup moins d'habitants, pas de prélèvement pour l'agriculture, des canaux, certes, forcément, des canaux, ils sortaient bien quelque part, hein. Mais donc, je répète, je crois que c'était dans le début des années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, à Salerne, il y avait visiblement des endroits où il y avait quasiment plus d'eau dans la Bresque. Aujourd'hui, on est à un tournant climatique, ça c'est sûr, ces causes, à mon avis, elles sont multifactorielles quand même, hein, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la distance entre le Soleil et la Terre évolue, hein, c'est pas une distance fixe. L'axe de Terre. Donc il y a des périodes glaciaires, il y a des périodes de désertiques, des périodes glaciaires. Pour la petite info, et pour ceux que ça pourrait intéresser aussi, Karnak, les mégalithes de Karnak ont été positionnés, on ne peut pas en dire plus, ils ont été positionnés aux endroits où on les trouve aujourd'hui, alors que le climat de Karnak à l'époque était similaire au climat autour de Barcelone aujourd'hui. Non, beaucoup plus chaud. Donc... oui, c'est aussi, il y a apparemment l'activité du soleil. Il y a l'activité du soleil, il y a la précession des équinoxes, qui est tous les 28 000 ans, quelque chose comme ça. Il y a aussi un autre paramètre, mais il est en train de m'échapper, le soleil. Il y a ce qu'on appelle la résonance de Schumann, la manière dont résonne et vibre la Terre. Aujourd'hui, la fréquence de Schumann et les résonances de Schumann sont très élevées. Alors, est-ce que c'est exceptionnel par rapport à d'autres critères? Est-ce que c'est aussi cyclique? Mais tout simplement, le fait de considérer que les planètes ne sont pas toujours à la même distance les unes des autres, ne sont pas toujours exposées de la même manière les unes des autres, parce que le Soleil est réputé fixe, en tout cas dans notre galaxie à nous, mais la Terre, elle ne bouge pas que sur un plan par rapport au Soleil. Elle bouge dans une forme, j'allais dire, quelque part elliptique, ou en tout cas sinusoïdale. Si tant est qu'on peut parler de sinusoïdale pour un truc qui ne se balade pas sur une sinusoïdale. Mais ce ne sont pas toujours les mêmes phases qui sont exposées au très chaud et au très froid. Quand il fait froid ou quand il fait nuit d'un côté. Il y a des petits cycles, des longs cycles. Donc c'est plus complexe que ça. Enfin, toujours est-il qu'en rattrapant le sujet, dans les années 50, début des années 50, quelle est la raison objective pour qu'il y ait moins d'eau dans la Bresque? À ce jour, personne ne sait le dire. Et ça influence justement combien de fruits et qualité de fruits donner. C'est possible, c'est possible. On n'a qu'à regarder, même ici, ben moi ça fait que 6 ans que je suis sur Salerne, le premier hiver où je suis arrivé, j'ai l'impression quand même que je vivais un hiver, quoi. Je crois que la neige est tombée sur 30 à 40 cm sur les endroits, au moins 30 cm, et c'est resté pas loin de 2 semaines, quoi. La dernière fois qu'il a neigé, depuis. Oui, c'était en 2009, je crois. Oui, c'est possible. Ouais. Ouais. Il y avait des grosses chutes de neige qui s'étaient. 2009, grosses chutes de neige ici. La dernière connue, donc je suis arrivé c'est 2018. Mm-hmm. 10 jours à 20, 30 ou 40 cm sur les endroits. Depuis, rien. Mm-hmm. Comme tu dis en Pologne. Gazmakim. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais qui peut expliquer de manière précise, alors je ne sais pas, précise, même si c'est multifactoriel, qui peut identifier l'ensemble des facteurs et surtout déterminer l'interrelation qu'il peut y avoir entre ces facteurs, quoi. À mon avis. Bah moi, j'ai remarqué, parce que j'ai un figuier que j'observe, et chaque année, il y a différentes périodes où il donne des fruits. D'accord. Ça veut dire, des fois, c'est... Il commence en juillet, des fois il commence fin août seulement. Alors quand c'est ça, c'est très directement lié au printemps. Hein. C'est très directement lié au printemps. Nous, les phases de les 2 années de gel que l'on a subi coup sur coup, c'était pas l'année passée. Il n'y avait pas de figue du tout. En tout cas, on a eu une baisse très sensible de la production. De la production. Et cette année, on a eu tellement chaud que, j'allais dire inversement, pas inversement, mais pour illustrer aussi cette présence et cette importance des conditions climatiques, on a commencé la récolte plus tôt que les années passées. Et il y a encore des gens qui ont des figues sur leur figuier. Moi, j'ai encore quelques figues blanches sur mon figuier. Seulement, on se rend compte aussi, alors ça c'est intéressant, c'est les horloges biologiques de la nature. On se rend compte que passé une certaine date, on va avoir des figues encore, d'autres à venir, mais c'est fini, elles ne mûriront plus. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai mangé encore des figues hier, à 10, où il vient successivement. D'accord. Il n'y en a pas, comme ici, plein de figues de partout. Oui, ok. Et il y a de... Voilà, moins nombre, mais par contre, qu'il apparaisse. Mais il y a beaucoup de choses qui sont paradoxales aussi, en termes de végétal. Cette année, il y a un grand paradoxe et un petit paradoxe. Je vais commencer par le petit. C'est que généralement, mes figues noires, j'ai un seul figuier noir délicieux aussi à la maison, mes figues noires arrivent quand la récolte des figons est finie. Cette année, j'ai mangé ma première figue noire au moment de récolter les figons. C'est-à-dire fin août ou septembre. Ouais, c'est ça. Pas fin août, plutôt que ça, mi-août. Mi-août. D'accord. Puisque traditionnellement, la saison de récolte du figon, c'est de mi-août à début septembre. Donc c'est, déjà, cette année, ça a été annoncé, je crois qu'on a commencé le 9 ou le 8. Ce qui est déjà pas mal, mine de rien, c'est une semaine plus tôt. Pratiquement au même moment, je mangeais ma première figue noire. Là, c'est fini. Mais, donc ça, c'est un petit paradoxe, je n'avais jamais vu ça. Je répète, je suis là depuis 6 ans seulement. Donc peut-être que ça s'est passé par le passé. Et le paradoxe le plus important, c'est que j'ai, en tout cas en ce qui me concerne, mais je pense que c'est assez général, j'ai jamais eu une année à fruits comme cette année. Aussi nombreuses. Aussi abondantes. Les abricots, je te dis, j'en connaissais un. J'en ai redécouvert d'autres sur lesquels j'avais des doutes en regardant l'arbre, mais je n'étais pas allé plus loin. Il s'est avéré que ce sont des abricotiers. Cette année, j'ai un abricotier qui ne m'a rien donné de toutes les années passées. Et j'ai retrouvé des abricots succulents cette année sur cet abricotier. Oui, parce qu'il a rattrapé les... Incroyable. Oui. J'ai un prunier blanc qui donne des fruits régulièrement tous les ans, sauf quand ça gèle, malheureusement. Cette année, j'étais obligé de mettre des étais sous les branches pour que ça ne casse pas. Le seul cerisier qui me reste, il m'a fait des cerises que je n'ai pas souvenir d'avoir pu les ramasser. Par contre, zéro nef. Enfin, c'est étonnant, mais zéro nef. Donc tout ça pour dire qu'on est comme... Le grand paradoxe, c'est qu'on est dans une période évidente de manque d'eau. Ça, c'est une certitude. Et à côté de ça, les fruits, comme c'est pas possible. Oui. Mais il y avait un mois de pluie. Et... Alors, c'était pour continuer à répondre en partie à ta question de tout à l'heure. Si la pluie tombe au bon moment, c'est gagné. Il y a des moments où elle est bienvenue, il y a des moments où c'est moins bienvenue quand même. On vient de faire, c'est... Et c'est pareil, ce dont je parlais de la pollinisation. La pollinisation, quelle que soit la manière de se faire, la pollinisation, si le blastophage a un problème en amont, au niveau du peuple, le blastophage qui nous entoure, sans qu'on le voit parce qu'il est tout petit, mais si le blastophage en tant que variété, que groupe, a un problème en amont, que la population du blastophage est réduite, ça va quand même poser un problème de quantité de récolte, de fait. Si, comme je le disais tout à l'heure, si le mistral souffle au mauvais moment, ou que les vents soufflent au mauvais endroit aussi, au moment de la floraison des oliviers, pour ça, il y a des gens qui disent « Ouais, mais de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, ça donne une fois tous les deux ans. » Je suis pas certain, hein, parce que la récolte d'olives, pour ceux qui en ont, depuis quelques années, c'est très, très, très, très moyen. Hein. Cette année, c'est une année à fruits. Cette année, ça va être plutôt bien. En tout cas, chez moi, ça va être plutôt bien. Mais c'est pareil, parce qu'on a aussi restructuré les arbres il y a deux ans, il y a trois ans. On a commencé depuis que je suis là. Donc aussi, c'est des rameaux neufs. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être ça et c'est peut-être pas ça non plus, puisque à taille égale sur certains arbres, aujourd'hui j'ai des arbres qui ont des olives et d'autres qui n'en ont pas. Donc c'est beaucoup trop compliqué pour que, surtout moi qui suis quand même pas du métier, même si forcément, comme nombreuses personnes d'entre nous, on a tous des racines pas si éloignées de gens du terroir. Ça n'a jamais été mon métier, donc je serais quand même d'avis de dire que la réponse à cette question est bien malin, qui peut arriver avec une modélisation du truc, partant de cette modélisation, puis dire bah, attention, il y a ci, donc il faut faire ça à tel moment, on va faire attention à ça, il faudra bien anticiper ça, et là on peut pouvoir faire quelque chose, là bien malin, franchement bien malin. Parce que les olives, moi je suis arrivé une nouvelle fois, en 2018, première récolte d'olives fin 2018, début 2019, il y en avait tellement, et c'était ma première, hein, donc il fallait aussi gagner un peu en expérience et en savoir, quoi. Mais je pense que globalement, j'ai dû en laisser 500 kilos dans les arbres quand même. Hein. Oui, je me souviens de cette année parce que justement j'ai cueilli des olives. Et c'était énorme. Énorme. Je dis ça comme ça tous les ans. L'intérêt à s'y mettre, hein, parce que va falloir suivre le rythme. Hein. Et là, j'ai remarqué aussi quelque chose de bizarre. Donc il y a deux choses, il y a des figuiers qui éclatent sur l'arbre, oui. et il y a l'autre que j'ai l'impression qu'il fermente déjà sur l'arbre. Ah ouais. Ça devient tout rouge. Quand sur les noirs, tu veux dire Pardon. Sur les figues. Figues. Ouais, d'accord. Que les figues deviennent les goûts qui est pas bonne. Non, c'est... Et j'ai l'impression que c'est... Là, il n'y a pas de lait blanc, mais ça devient rouge quand d'accord. Quand ils sont, je pense que c'est une nouvelle fois, c'est très mystérieux. Hein, c'est peut-être trop d'eau qui a. Parce qu'on a eu des figues cette année, par contre, ça c'était. Tu vois, on parlait de ça tout à l'heure. Il n'y a pas eu de canicule, pour la raison par rapport à la raison de la définition de la canicule, mais les températures qu'on a eues on fait brûler des figues. Pas sur toute la surface de la figue, mais sur la surface exposée au soleil, elles ont brûlé. C'est simple, hein. Un, elles ne sont pas vendables, elles ne sont pas exploitables, parce que quand tu... On peut regarder à travers les peaux, dès qu'il y a une mouche ou un petit, une imperfection, ça se voit sur la figue confite. Donc c'est pas un produit vendable, exploitable. Mais en plus de ça, celle-là, c'était fini. Mais c'est d'autant plus vrai qu'elles avaient séché, que quand on les goûtait, on avait le goût de la figue séchée dans la bouche. Ça, depuis que je suis là, j'ai jamais vu. À ce point-là, j'ai jamais vu. Des figues qui sont un peu piquées, un peu piquées parce qu'il a plu, le soleil est arrivé derrière, ça les a brûlées là où il y avait de l'eau, ça a fait un effet loupe, etc. Ça, on en a eu. D'ailleurs, j'appelle ça la tigrée blanche de Salerne. Mais brûler sur des parties importantes de la figue comme cette année, jamais vu. Elle brûlait, elle prend la sur la figue blanche, ça prend la couleur. C'est marron. Marron, voilà, c'est marron, c'est ça. Ouais. C'est marron, mais sur une mais elles sont bonnes quand même. Elles sont bonnes. Elles sont meilleures dans la partie brûlée que dans la partie qui n'a pas mûri ou qui a très peu mûri, parce que tu as vraiment ce goût de figue séchée. Il y a vraiment, mais t'as rien à faire pour la sécher. Pour une fois, tu as juste à la prendre de l'arbre, puis la croque, et je peux te dire que c'est tellement bon que tu finis pas la figue en fait. Hein. Le reste de la figue, ça va aux oiseaux, aux animaux par terre. C'est vrai. Ah oui. Non, c'est tellement bon, cette partie séchée, sucrée, quoi, que tu n'as pas envie de finir le reste de la figue. Ah oui, d'accord. Parce qu'elle elle a même pas bon goût, en fait. Oui, d'accord. Elle a même pas bon goût. D'accord. Voilà pour répondre à ta question. Alors, ça nous permet d'arriver justement à qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qui est devenu... Comment a évolué, je dirais, ce produit spécifique au fil des années, et pourquoi il existe aujourd'hui une association de figounes. Je crois que j'avais dû t'en parler quand on s'est rencontrés aussi aux journées des associations à Salerne. Il y a un chiffre qui est facile, des chiffres qui sont très faciles à retenir. Il y en a trois en fait, trois marquants pour expliquer un peu ce qu'était la figue et ce qu'est devenue la figue blanche de Salerne. Dans les années 50, la production, la récolte était de 150 tonnes de figue blanche de Salerne. 150 tonnes. En 2015, c'était 15 tonnes. Et cette année, on s'en sort plutôt bien puisqu'on est... On est globalement à 4 tonnes de produits quand on intègre tout ce qui a été ramassé sur le territoire de Salerne. Et aussi quand on prend en compte les figons, la figue à l'état de figon et la figue à confiture. J'en parlerai dans les minutes qui vont suivre parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a deux types de produits que l'on tire du figuier blanc de Salerne. On tire le figon. Alors je regarde le meilleur pour la fin, j'expliquerai ce qu'est une figue à l'état de figon et pourquoi on l'appelle figon. Et ensuite, la figue à confiture. Donc sur l'ensemble des récoltes, des figuiers blancs récoltés de Salerne, cette année, on a dû remonter à 4 tonnes. Mais il faut dire que les années passées, quand on faisait, les années passées, hier et avant-hier, hein, quand on arrivait à faire 2 tonnes 8 maximum, c'était comme... Son nom l'indique, c'était un maximum. Donc il faut imaginer, dans le temps, 1950-150 tonnes, 2015 15 tonnes. Et là, on est content quand on y a 4. Si on veut schématiser et avoir un peu ce côté esthétique et agréable des chiffres, 150 tonnes dans les années 50, 15 tonnes en 2015 et 1 tonne 5, jusqu'à 1 tonne 5 ces dernières années. Mais c'est pas aussi les résultats des désintéressements des Alors justement, agriculteurs. Justement, il y a effectivement beaucoup de choses qui ont évolué. Et c'est ainsi. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, la figue à décliner, parce que les productions d'autres, d'autres produits, d'autres fruits et légumes de la région sont augmentés. Et faut savoir que la figue, c'était une culture d'appoint. C'est une culture d'appoint, ce qui explique aussi la difficulté de la localisation des figuiers blancs, des figuiers d'une manière générale, c'est qu'on n'a jamais vu, en tout cas en Provence, de figuiers à l'image des oliveraies. Aujourd'hui, on a des production de masse, c'est-à-dire c'était toujours... On a des oliveraies, même avant, oui, on avait des oliveraies, 10 000 arbres sur un seul tenant. 10 000 arbres sur un seul tenant. Le figuier, quand on a un verger déjà de 3 arbres, déjà c'est bien. Des figuiers épars qui se sont plantés naturellement et qui ont prospéré à différents endroits, on en trouve aussi beaucoup. Mais à l'époque, la figue était un produit complémentaire, ce n'était pas la récolte principale. Et ça a été d'autant plus marqué, on va dire, ces quelques dernières décennies, avec, j'allais dire, la Provence, de manière générique, et le tout rosé de l'autre côté. Donc beaucoup de vin, des oliviers certes, et des figuiers. Mais les figuiers, on les mettait, nous disent les anciens, ils se mettaient souvent sur des restanques, là où c'était difficilement exploitable. Donc on mettait un figuier là, on en mettait un ici, on en mettait un par là. Donc on n'a jamais eu... Enfin, l'exploitation de la figue et des figuiers n'a rien à voir en termes de, non pas de mécanisation, mais de mécanique de ramassage, de récolte, qu'avec des vignes, par exemple. Je ne parle pas que de mécanisation, de mécanique, de processus de récolte, que du vignoble ou même les oliviers. Les oliviers, c'est relativement facile pour qui on a fait quelques-unes. Quand on est bien organisé, on avance, il y en a un ou deux qui prend un temps d'avance avec des filets, les autres qui suivent, qui secouent les arbres, qui ramassent, les troisièmes qui mettent en caisse, etc. Puis de temps en temps, même on peut changer d'équipe, hein, c'est pas un souci, mais on peut comme ça déballer sur des superficies très importantes. Les oliviers sont plantés à équidistance les uns des autres. Donc, s'il faut s'en faire 200 dans l'après-midi, à raison de 10 de front, on va en faire 10 de front. On fait ce qu'on veut, en fait. Hein. Si on va en faire 2 de front par 2 de front, on fera autant d'allers-retours qu'il y a de figuier de front. Hein. D'olivier, pardon, de front. Par contre, pour le figuier, c'est jamais le cas. C'est jamais le cas. On a un figuier ici, un figuier là. Par chance, parfois, il y en a 4 ou 5 qui sont dans un espace très proche. Mais généralement, c'est plutôt des arbres qui sont pas nombreux à la base, mais qui ne sont pas du tout plantés sur le principe d'une oliveraie, avec l'idée de récolte mécanisée ou même ordonnée, on va dire. Mécanisation, c'est autre chose. C'est quand tu intègres des outils mécaniques thermiques, quoi. Enfin, pour moi, mais organisé, quoi. Mécanique dans le sens où ça déroule mécaniquement. Voilà. Donc la décroissance s'explique par ça, s'explique aussi par l'abandon de certaines pratiques alimentaires, par les modes de vie. Plus besoin de se soucier d'avoir de quoi manger hier. Autant se ravir avec des fraises du Chili au mois de décembre plutôt qu'avec une poignée de figues. On va le retenir, ça aussi. C'est pas Deschamps qui l'a dit, c'est pas Deschamps. Il est pour rien. C'est son mauvais génie qui a soufflé dans l'oreille. Bref, tous ces éléments ont fait que la culture du figuier, ou en tout cas, oui, la culture du figuier, et puis la récolte correspondante a diminué. Les gens se sont reportés sur d'autres modes alimentaires, se sont concentrés sur d'autres modes de culture, qui n'étaient pas nouveaux, mais qui ont augmenté. on voit la prééminence du vin en Provence. Et, c'est monoculture carrément, olive et... La culture du vin, et c'est l'image du rosé de Provence a fait le tour du monde, et on le voit bien l'été à Salernes comme ailleurs. Quand on pose la question, parce que je l'ai fait, parce qu'on avait quelques projets en tête, et puis finalement on se rend bien compte que ceux-là sont peut-être pas aussi, n'iront peut-être pas aussi loin qu'on aurait pu le souhaiter. Quand on voit qu'il y a de nombreuses caves viticoles, de domaines viticoles, ce qui intègre pas que les caves, mais effectivement les vignes, qui sont quand même réglementées, on ne peut pas planter plus de vignes à l'hectare, il faut réserver des hectares, on ne peut pas tous... quelqu'un qui a 150 hectares de terrain, même s'il avait envie, s'il avait la possibilité, mettre 150 hectares de vignes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc quand on va les voir, on va dire, si sur des parcelles et tout, des endroits pas trop propices à la vigne, qui ne sont pas libérés avant bien des années, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de vous faire mettre des figuiers blancs de Salernes, par exemple, parce que du terrain, vous en avez. De l'eau, il arrive que vous en ayez. On ne citera pas les plus mauvais exemples, mais aujourd'hui, quand les viticulteurs veulent avoir de l'eau pour arroser, généralement, ils y arrivent. Finalement, les gens nous répondent non, on va attendre que les autorisations évoluent. Et dès qu'on pourra replanter quelque chose, rassurez-vous, ça ne sera pas du figuier, ça sera de la vigne. Voilà. Donc on voit bien que ça ne débouche pas tellement. La FIG aujourd'hui, je vais peut-être dire une bêtise, mais si on ne peut pas assurer un agriculteur qui vendra son kilo de figues, lui, producteur, qui le vendra à 7 euros le kilo, même 6 euros, mais tout ça, ça a forcément évolué avec avec tous les événements qui se sont passés récemment, le renchérissement de l'énergie, le renchérissement de certaines matières. Petit aparté, on est obligé de considérer les augmentations de nos propres produits qui sont pas qui ne nous servent à nous que comme image et comme support de notoriété, pour introduire le sujet, etc. Mais on a nos propres produits, notre propre production de figues en confit. Le prix du verre aujourd'hui a augmenté d'une manière terrifiante. Donc si on doit augmenter, et quand on se pose des questions d'augmenter le prix de vente de nos petits produits, qui sont, je le répète, c'est pas le but de l'association initiale, c'est pas de vendre du figon confit, c'est de préserver et de développer la microfilière. Si on doit considérer ce sujet, c'est parce qu'on est confronté, comme tout le monde, à la hausse de l'énergie et des matières premières. Donc le verre, ça se fait pas tout seul. Et donc il faut de l'énergie pour produire du verre. Et le verre est plus cher. Tous ces aspects-là sont pas des aspects encourageants. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la désaffection? La désaffection, donc elle a commencé avec les changements de pratiques alimentaires. Les choix agricoles et d'agriculture qui ont été faits. Et du coup, quand on cumule ça avec, je le répète, le vieillissement de la population, la parcellisation aussi. Comme partout ailleurs, là où il y avait une propriété, elle a été morcelée en plusieurs parties, vendue. Dans le meilleur des cas, s'il y avait un figuier sur une partie qui était morcelée, dans le meilleur des cas, le figuier continue à faire des fruits, mais personne ne s'y intéresse. Dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on va mettre la piscine à la place. Donc, c'est très sensible. Et puis, une nouvelle fois, le manque de... Je dirais tout simplement aussi, le manque... C'est pour ça que c'est... Pour la petite histoire, petite parenthèse, cette conférence devait avoir lieu en présence de plusieurs auditeurs. Il se trouve que de fait, on n'a personne aujourd'hui. Mais je remercie aussi Darek d'avoir eu cette idée de faire une conférence et de l'enregistrer, parce que ça va rester dans... ça sera exploité et exploitable encore pendant de nombreuses années. Et je répète, c'est une humble participation, en tout cas sur le plan technique et de la culture, puisqu'on a d'autres calibres dans l'association qui sont bien plus expérimentés que moi pour parler de ça. Je dirais que, en tant que président et passionné, j'ai peut-être l'avantage d'avoir la vue sur toutes les facettes. C'est-à-dire que les gens dont ça a été le métier pendant des années ne sont pas nécessairement intéressés par l'histoire, ne sont pas intéressés nécessairement par comment faire rebondir cette association ou ce produit. Donc voilà, et tout ça pour dire donc on devait faire quelque chose de plus large, mais que ce n'est pas perdu du tout, bien au contraire, puisque ce qu'on fait là avec Darek, un peu comme M. Jourdain tout à l'heure sans le savoir, ça va nous servir à nous tous, mais à nous aussi association, de consolider et d'animer, on va dire, un des axes d'un projet en quatre axes que l'on a depuis quelque temps. Et l'axe en question, c'est la conservation, le partage et la transmission des savoirs. Donc, bref, tout ça pour dire que... Donc, tu as nommé trois, ça, ouais. Pour l'instant. Et la quatrième, ce serait... Ah non, le projet est en quatre axes. Oui. Mais c'est une autre chose. Tout à l'heure, on parlait d'une conférence en trois axes avec le fille et la fille, l'histoire, et aujourd'hui avec l'association. Mais tout ça pour préciser effectivement à ceux qui écoutent pour tout à l'heure et pour beaucoup plus tard, que nous avons aujourd'hui un projet de développement en quatre axes, dont un des axes importants, puisqu'il il a été classé de mémoire, ben il est passé au rang numéro 1, c'est la préservation des savoirs, et c'est ce qu'on fait là. Là, c'est pas déconnecté du reste de la conférence, puisque tu me posais la question de savoir pourquoi la désaffection, etc. Et une des raisons de la désaffection, c'est que même en pratique alimentaire, aujourd'hui, énormément de... J'allais dire tout le monde, mais c'est beaucoup trop caricatural, mais la majorité des gens ont perdu le goût de la figue blanche, même à Saverne. C'est-à-dire qu'on peut croiser des arbres en pleine production, dont tout le monde, passez-moi l'expression, se contrefout. Les fruits tombent par terre. Alors il y a des petits malins quand même qui se disent « Tiens, je connais un figuier là-bas, il n'y a jamais personne, il appartient forcément à quelqu'un, donc je vais aller le récolter ». Bah, grand bien leur face, hein, au contraire. Hein. Mais sinon, qui aurait l'idée de s'arrêter aujourd'hui près d'un figuier en se disant bah, oh, un figuier blanc, mon grand-père en avait quand on habitait là, c'est devenu un lotissement, il n'y en a plus, un figuier blanc fabuleux, on peut faire ça, ça, ça et ça, on peut confire, on peut faire des figues séchées, on peut faire une confiture de figues sans même rajouter de sucre dedans si on veut. Bah, présentez-moi un échantillon représentatif, quantitativement, de personnes qui sait ça aujourd'hui. Oui. Moi, ça explique beaucoup de choses. Oui. Moi, je pense qu'on a perdu quelque part l'essence des survies. Quelque part, on se fie sur les distributions de masse. Bien sûr. Et c'est pas, ça touche pas seulement... Parce qu'on voit la sagesse des anciens qui ont entretenu, qui ont fait introduire des noyers, des amandiers, des noisetiers et d'autres arbres nutricières qui pourraient justement permettre à survivre l'hiver. Et ça va jusqu'à l'extrême où on se retrouverait en période de disette, on ne va pas dire après-demain, mais disons demain, mettons. Demain, on se retrouve en période de disette. Il faudrait réapprendre aux gens comment utiliser, enfin, comment consommer, qu'on peut consommer de la figue blanche de Saverne sous différents types. Il faudrait leur réapprendre et recréer les outils nécessaires au séchage de la figue. Et je ne parle pas du séchage de la figue dans le four ou sur la forme de. Comment ça s'appelle? sais, ces appareils là qui... Ah oui, les déshydrateurs. Déshydrateurs. Parce que le déshydrateur, si on est en période de disette, voire pire, sans l'électricité, qu'il n'y a plus d'électricité dans la prise, c'est monumental. Ce qui est dingue, c'est quand on se... Moi, j'avais déjà des prédispositions à ça, à l'inquiétude par rapport au lendemain. Mais quand on parle d'un simple produit comme la fille blanche de Salerne, et qu'on évoque que ces produits-là, ces figuiers pourraient continuer à donner dans une période sombre, et qu'il faudrait trouver des gens pour aller au plus vite, qui ont encore le savoir de comment on fait sécher des figues, avec quels petits outils, parfois des outils simples, mais quand même, quand on peut ne pas avoir à réinventer l'eau chaude, on gagne du temps sous la douche. Ben là, c'est pareil. Donc, c'est de voir qu'aujourd'hui, et toujours ça participe de ce dont tu viens de parler et de ce dont je parlais tout à l'heure, de l'éloignement de ce que l'on sait depuis la nuit des temps, au profit de la simplicité, c'est évident, au profit des fraises du Chili qui arrivent en avion, c'est plus facile à consommer, forcément, mais bon. Mais à côté de ça, aujourd'hui, on pourrait mourir de faim à côté d'un figuier. Caricature, exagère le trait aussi. Parce qu'on ne les considère pas comme une source de nourriture. Complètement. Et quand on sait ce qu'il y a dedans, une nouvelle fois, quand on sait le pouvoir nutritionnel que ça a, une fille séchée, je dirais que c'est au mieux une insulte, au pire, c'est du sabotage. Au pire, c'est du sabotage parce que... Même le séchage, on s'écarte un peu du figon, mais on est dans l'actualité. Même le séchage, qui aurait le réflexe de rentrer ses figues en pleine chaleur, en se disant on va pas se casser. Rentrer, ça veut dire quoi? Et ça veut dire tout simplement, c'est que même l'été, il y a une fraîcheur dans la nuit. Il y a même des points rosés. Donc ça veut dire que si tu rentres pas tes filles avant la nuit, et si tu les sors pas après le point de rosée, tes filles vont pourrir. Qui le sait ça aujourd'hui? Tout simplement en disant, passez-moi l'expression, c'est pénible, on va pas se taper, rentrer les machins. Alors ça s'appelle des clés, je vais développer un peu plus, mais ça s'appelle des clés. Sur lesquels des grands tréteaux avec systèmes, des trucs, des rails, des machins, des bidules, enfin, toute une petite organisation qui est pas chère, qui est suffisamment ingénue pour que ça marche. Voilà. Simple et pas cher et suffisamment ingénue pour que ça marche. Mais si jamais, pour une raison ou pour une autre, même aujourd'hui, on va à l'apéro chez des amis, on passe une bonne soirée et on rentre, on se dit, oubliez de rentrer les filles. Il est 1h du matin, c'est foutu. Elles vont pourrir. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette expression tout à l'heure. On pourrait mourir de faim à côté d'un figuier, aujourd'hui, globalement. Si les fraises viennent plus du Chili en avion. C'est terrible, Alors, il y a quand même pas mal de... C'est encore une digression, mais ça peut être utile quand même. Il y a quand même une grande sensibilisation qui existe quand même dans différents secteurs, et pas des moindres. On est partenariat, on est souvent en relation avec le lycée professionnel Provence Verte de Saint-Maximin. Alors eux qui sont impliqués à fond dans le principe bien souvent repris par son proviseur, monsieur Christian Breyer, que je salue au passage si un jour il écoute cette capsule. Et lui, il parle de la fourche à la fourchette. Quelles vont être les cultures de demain et d'après-demain? Qu'est-ce qu'on aura comme moyen pour les cultiver en termes d'énergie, mais aussi en termes de ressources? Est-ce qu'on aura effectivement assez d'eau? Est-ce qu'il ne faut pas basculer, laisser finir certains types de récoltes trop gourmandes? On y vient, On y vient, par exemple, à arrêter avec cette hérésie du maïs du maïs qui a besoin de 10 litres de flotte par pied par jour. On en revient. Enfin, j'ai traversé, en allant vers Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai traversé des champs entiers de maïs. Et aujourd'hui, on dit, non, de toute façon, il fait trop chaud. Ça prend... Déjà, quand il fait un temps tempéré, on est plus ou moins 10 litres d'eau par pied. Alors, avec les chevaliers, aujourd'hui, on n'a pas assez d'eau. Et on y vient à déplanter le maïs. C'est pas que j'aime pas le maïs, hein, c'est très bon aussi, hein, pas de souci. Mais on... Donc, il y a quand même des grosses réflexions avec des actions concrètes qui sont menées. Je parlerai en deux secondes de ce qu'on appelle le projet alimentaire territorial. Et ça, c'est par région au niveau de la France, où des gens, effectivement, et pas des moindres, c'est-à-dire des penseurs les plus aboutis aux exécutants inspirés sur le terrain, se disent, ben, effectivement, il faut penser maintenant à l'agriculture de demain, parce qu'il faut peut-être, ne serait-ce qu'à l'instar d'un figuier, hein, si je te mets un plant de figuier dans ton jardin, peut-être falloir attendre 5 à 7 ans quand même avant de prendre le temps d'avoir quelques figues à discuter. Donc vraiment, il y a une anticipation sur ce que pourraient être les modes alimentaires dans 10 ans, 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. Et il nous avait donné un chiffre, M. Brailleur, qui était phénoménal. Il a dit aujourd'hui, à 80%, on ne sait pas ce qu'on va manger dans 15 ans. Ben, ça laisse rêveur, hein. Ça laisse rêveur, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir de faim, mais ça veut dire quand même 80% en l'espace de 15 ans. Déjà, localement, on n'est pas capable de se nourrir. Ben, on est apparemment à 2 voire 5% seulement de besoins, localement. Ah oui, localement, oui. Oui, localement, oui, forcément. Forcément, mais ça nécessite tellement de changements aussi, ça. Parce que ça, c'est pas pour se passer de la pommade, hein. Mais ramasser, récolter, on va y venir un peu tout à l'heure, ça laisse rêveur quand même. Hein. Parce que la figue, blanche de Salerne, mais il n'y a pas qu'elle pour survivre dans les années qui viennent, c'est pas ce que je dis. Mais c'est typiquement le genre de fruit qui est intégralement manuel et qui se traite à l'unité. Parce qu'avant d'arriver confite dans un bocal, avant d'arriver là, je ne sais pas combien de fois elle a été touchée, hein, combien de fois elle a été manipulée. Parce qu'en plus de ça, c'est un fruit aussi qui mûrit. Donc si on ne fiche pas le mûrissement, on va en perdre énormément. Donc il faut faire déjà attention à ça. Dès qu'il est piqué, qu'on n'a pas vu un fruit qui est passé au confisage avec un défaut, il faut l'enlever. Et c'est donc du manuel unitaire. Est-ce que c'est compatible avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et ce qu'on fait encore ? On y vient, financier, hein. Oui. On y vient. Moi, je vois avec admiration, je vois soit nos amis horticulteurs, soit des maraîchers qui sont même installés il y a récemment sur Salerne, ou même d'autres que je ne citerai pas pour leur faire de publicité, on ne sait jamais. Mais on le voit bien autour de nous, autour de Salerne notamment. Il y a des gens qui sont revenus dans le maraîchage, c'est parfait pour nous, je veux dire, en termes nutritifs et d'autosuffisance alimentaire. Mais c'est un sacré boulot, hein. C'est un sacré boulot. Un sacrifice, hein, aussi. C'est un sacré boulot. Des fois, ils vivent à la limite de... Oui, tout à fait. C'est difficile de se dégager un salaire. Hein. Ouais. Et c'est des gens qui font, de leur propre aveu, 70 heures par semaine. J'ai eu l'occasion d'échanger avec l'une d'entre elles in situ, parce que j'avais une question à poser sur des sujets de figons, justement, de verger. Ben, en plein été, pour ramasser des tomates, c'est la peau recouverte aussi à 100%, quoi. Parce qu'effectivement, la tomate aussi, la feuille de la tomate, ben, ça se défend, hein. Ça, c'est fait pour éloigner les prédateurs, hein, ces petites choses-là aussi, hein. Donc ça se défend, donc en plein cagnard, comme on dit dans le sud, ben on discute avec quelqu'un qui est protégé comme un cosmonaute. On va y venir, c'est le cas aussi quand on ramasse des figons. Qui est prêt à faire ça au quotidien aujourd'hui? J'ai pas de jugement, hein, là-dessus, hein, parce qu'on peut encore aujourd'hui très bien vivre sans toucher à ça. Mais le jour où ça s'arrête pour une raison ou pour une autre, eh ben on en revient à ce que je disais tout à l'heure. on va mourir au pied d'un figuier. Voilà. Voilà pour les petites digressions. Est-ce que tu as quelques questions avant de finir avec l'association Tu as parlé des Fillon, pourquoi ça s'appelle Fillon les... Figon. Figon. Oui, alors Loup Figoun, L-O-U, plus loin, F-I-G-O-N, ça vient du provençal, comme son nom l'indique. Et Loup Figoun, en fait, indique le figon, en français de chez nous, en langue d'Oïl. Pour passer de la langue d'oc à la langue d'oeil. Et donc, ça désigne. Alors, ça désigne pas la fille blanche, qui s'appelle la fille blanche. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ça désigne un stade de mûrissement du fruit. Le figon, c'est la fille blanche de Salerne, quand il est en début de mûrissement. Suffisamment souple, mais qu'il n'est pas encore mûr. Je m'explique. La figue mûre, c'est la figue mûre. Elle n'a plus de lait. Ça peut se manger avec beaucoup de plaisir. Ça peut se manger ce qu'on appelle en figue de table, en figue fraîche. Le figon, il n'est pas si bon que ça. Quand il est au stade de figon. C'est vraiment le point de début de maturité du fruit. On voit ça quand on récolte. Ça permet de... On va parler à la fois un peu de la récolte, comme ça on va garder quelque chose de vivant et pas trop structuré. On identifie un figon au toucher. Il est déjà un petit peu plus souple qu'une figue dure. Qui est de toute façon une figue verte. Avant d'être une figue blanche, c'est une figue verte. Quand elle est verte et dure, elle n'est pas mûre. Ça, c'est sûr. Quand elle commence à tourner au blanc jaune, qu'elle est un peu plus souple, et que d'un quart de tour sur le pédoncule, on arrive à la décrocher, à la faire craquer et à la décrocher, en l'emmenant avec son pédoncule, parce que in fine, c'est le truc, pour avoir un beau fruit, il faut avoir un fruit complet avec le pédoncule. Donc, faut pas arracher la peau, faut pas faire ci, faut pas faire ça, etc. etc. Donc, quand je parle de manuel unitaire, c'est du manuel unitaire. Et j'aurai l'occasion de développer un petit peu pourquoi c'est tout au long de la vie du figon, c'est du manuel unitaire. J'avais pas pensé à cette expression, mais je pense que je vais la retenir. Et donc, c'est à ce moment-là que le figon, que la figue blanche de Salerne est dans son état de figon, qui est l'état de mûrissement de la figue blanche de Salerne propice et nécessaire aux opérations de confisage. Ça répond aussi à un autre point. Il faut que l'ostiole, c'est l'ouverture qu'il y a sous la figue, il faut aussi que l'ostiole soit ouverte. Pourquoi ? Parce que quand un confiseur va mettre ses fruits à confire, il va falloir que le sirop de sucre puisse bien évidemment cuire de l'extérieur, mais aussi puisse rentrer dans le fruit. Donc, si l'ostiole est fermée, le sirop ne rentre pas et le confisage ne se fait pas. Donc voilà, le figon, donc dans la figue blanche de Salerne, on va dire que c'est le produit noble. C'est le produit noble. Pourquoi ? Parce que, comme je l'indiquais un peu tout à l'heure, ce fruit, à ce stade-là, va partir chez les confiseurs nationaux, qui sont à Apt, à Cavaillon, à Carpentras, à Orange, je crois qu'on en a à Valensole, et à Nice aussi. On va partir donc chez les confiseurs dont c'est le métier de père en fils, de confier des fruits, et pas que des fruits, mais surtout des fruits. Et c'est chez eux donc que vont se retrouver les figons qui sont produits sur le territoire de la commune de Salerne et même de Saint-Antonin, puisqu'on a un adhérent qui habite pas très loin et qui produit de la figue de Salerne. Mais comme il est agriculteur aussi, ça tombe pas toujours très bien en fonction du... Parfois, c'est un calendrier. C'est pas nécessairement la bonne période. Donc comme c'est la bonne période, comme cette année, eh ben, il peut récolter ses figons et ensuite passer à la vigne. Et quand ça tombe mal, il dit, désolé, j'ai la vigne, donc le figon, je ne peux pas le traiter cette année. Par exemple, petite digression. Voilà. Donc ce produit est précieux. Pourquoi ? Parce que, je ne sais plus si je l'ai dit, parce qu'on a discuté un petit peu entre nous avant de commencer cet entretien, il est précieux parce que c'est le seul fruit, la seule figue qui puisse être confite sans dommage. On peut toujours essayer de confier une branche à sotte de Solies, mais ça ne va pas du tout donner le même résultat. Et c'est un fruit effectivement qui est plein de paradoxes, et un de ces paradoxes, c'est que sa peau est très fine, et pour autant, c'est la seule figue qui n'éclate pas au moment du confisage. C'est un truc. Voilà. Alors, donc, voilà pourquoi l'oufigoun, le figon. Une nouvelle fois, le figon, c'est le produit phare. Pourquoi c'est le produit phare ? Tout simplement parce que les confiseurs aiment ce produit, qu'il est très rare. Il est très rare. Quand on sort, je le disais tout à l'heure, je donnais un chiffre qui comprenait aussi la figue blanche dans son état de fruit à confiture. Quand on arrive ces dernières années à sortir de trous vergers confondus 2,5 tonnes de figons, c'est déjà bien. C'est complètement insuffisant. C'est complètement insuffisant parce qu'il y a d'autres débouchés pour ce produit. Mais dont on est tributaire, je dirais, des méthodes modernes de production. On a eu par exemple un confiseur aussi qui s'est lancé dans la pâte de fruits, mais qui nous dit moi, à moins de 5 tonnes livrées, j'ouvre pas ma chaîne de production. 5 tonnes livrées. Déjà, ça dépasse la production d'ici. De l'année. En plus de ça, il faut que ça soit fait. Le figon est un produit fragile à tous égards. Je parlais de la cueillette déjà, on en discutait. Déjà, au niveau de la cueillette, c'est fragile. Et au niveau de la des mûrissement ou de la maturité, la maturation, c'est pas la maturation. On va dire du mûrissement, c'est un fruit qui, une fois cueilli, va se détériorer rapidement. Donc, s'il veut 5 tonnes, il ne veut pas 5 tonnes sur 15 jours. Il veut 5 tonnes cueillies le matin, amenées le matin par les producteurs, qui ne demanderaient que ça, à la limite, et 5 tonnes qui partent sur la chaîne de production, enfin au moins vers le lieu de production dans la journée, et qui sont mis dans le processus de fabrication le lendemain. Aujourd'hui, impossible. Impossible. On ne croit pas un jour. On replante bien les figuiers, on a des partenaires économiques qui travaillent avec nous, dont certains font partie de l'association, chose qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Donc quand on parle de relancer la microfilière, je peux déjà annoncer une bonne nouvelle avant d'attendre la conclusion, ça marche. Ça marche dans des petits rapports, mais ça marche quand même. Localement, les partenaires économiques, on va dire, qui travaillent avec nous, et qui travaillent la figue blanche de Salerne, nous disent mais arrêtez de livrer les confiseurs institutionnels, nous on va vous les transformer. Et ils font pas ça par altruisme, ils font ça parce qu'effectivement, ils aiment leur métier à la base, mais ils savent que derrière, il y a un vrai débouché. Or, nous, je leur dis tout de suite, là, même s'ils ne l'entendent jamais, ou leurs descendants dans 200 ans, on va pas faire une croix sur ce qu'on appelle les clients institutionnels de la confiserie. C'est pas possible. C'est le produit abouti le plus noble, fabriqué par les maisons les plus anciennes et les plus expérimentées, réputées, et plus qu'on veut de la planète Terre, quelque part. Je ne dis pas qu'en France, qu'on fait des fruits confits, mais il paraît dans certaines boutiques que je ne voudrais pas citer, que je ne citerai pas, c'est pas par intérêt économique, c'est juste pour ne pas vexer ceux que je ne vais pas citer, Mais il paraît que les fruits confits qui sortent de cette boutique-là, qu'on met dans les cakes, ça laisse des goûts immémoriaux, enfin, qui restent pour une vie, à tel point, toujours sans les citer, à tel point que quelqu'un est venu s'installer à Salerne, a découvert qu'il avait un figuier blanc chez lui, et a dit, mais ah, c'est ça que l'autre il met dans ses cakes là-bas, ça vient de chez vous. Mais le rappel de la petite enfance, quoi. Et donc, du coup, le lien se fait en disant, ah ouais, mais alors c'est précieux quand même. Ben, je veux bien adhérer à votre association. Voilà, donc c'est... Et ça, c'est vivant, c'est cette année, hein. C'est pas vieux. Donc on a vraiment ce genre de comportement par rapport à la fille blanche de Salerne. Et quand on dit que quand je fais goûter quelque chose à la maison ou ailleurs à n'importe qui, quand je dis c'est exceptionnel et c'est unique, surtout quand on fait goûter quelque chose que c'est exceptionnel et unique, c'est pas du baratin de vendeur. C'est mécaniquement, c'est de fait vrai. Aujourd'hui, la fille de Salerne, terroir historique, 4 communes, dans 10 ans ou dans 15 ans, 10 ou 15 communes, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai qu'on est en démarche, donc on a fait des déclarations à l'INPI pour protéger un petit peu cette fille blanche de Salerne. On est en démarche aussi avec l'INAO, qui est, comme chacun sait, ah, je l'ai dit tout à l'heure, Darek, hein, c'est à toi de me rappeler. Oui, hein. Qui, comme chacun sait, est l'Institut National des Appellations d'Origine, qui est une grosse boutique, puisque c'est elle qui décerne tous les labels possibles et imaginables, notamment sur les produits de bouche. Tout le monde connaît les vins en AOC, tout le monde connaît une IGP quelque part, ou peut-être une STUG, peut-être moi, mais... Une AOC, oui, une IGP, oui, ce sont des sigles, des labellisations qui deviennent de plus en plus fréquents quand on achète quelque chose de naturel. Alors, parcours de longue haleine avec l'INAO, certes, mais pourquoi pas, faut pas désespérer, mais ça serait une bonne chose. Voilà, donc quand on a fait un peu cet inventaire, on arrive donc à l'exploitation aujourd'hui de la fille blanche de Salerne. On a expliqué pourquoi il y avait eu cette raréfaction, cette chute. Et elle se compare d'ailleurs pour mémoire, et c'est assez significatif. Je pense qu'il faut y voir plusieurs choses, il faudrait pouvoir y comprendre et intégrer plusieurs choses. Elle se compare assez aussi à la déshérence dans laquelle s'est retrouvé le secteur de la tomette à Salerne. C'est à peu près les mêmes époques, c'est-à-dire que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'activité a été florissante. Moi, j'ai retenu des chiffres sur Salerne où on parlait de jusqu'à 50 fabricants de tomettes, carrelage, ce qu'on veut, avec la terre de la région et les procédés de la région. Jusqu'à 50 producteurs de tomettes ou de céramique, ou de carrelage. Et aujourd'hui, en 2023, on m'a dit qu'il y en a à peu près 5 encore sur Salerne. Voilà, c'est exactement le même genre de déshérence, changement d'habitude, changement de pratique. Bon, là, je peux pas. Peut-être aussi appauvrissement des populations. Appauvrissement. Si ce sont des produits nobles. Oui, c'est sûr. Oui, par rapport à ça. Appauvrissement, tu veux dire pour ceux qui n'auraient pas de figuier chez eux. Oui. Parce que ceux qui ont des figuiers chez eux, du coup, ils en mangent, donc ils ne les payent pas. Mais effectivement, quelqu'un qui habite dans un appartement ou dans un endroit où il n'y a pas de figuier sur place, forcément que son choix, c'est soit d'aller chercher des figues fraîches à 5, 6, 7 euros. Voire plus dans d'autres boutiques qui ne sont même pas des figues venant d'Europe, oui. De pays qui prétendent, qui tapent à la porte de l'Europe, mais qui ne sont pas européens. Donc on ne les citera pas. tout le monde comprendra le message subliminal. Bon bref, ça c'est une réalité. Hein. Des figues qui viennent effectivement de Turquie, en bio. qui sont énormes, mais qui sont à 11 euros le kilo. Mmh. Alors effectivement, le porte-monnaie du français moyen, vu ce qui subit depuis des années, que la barre descend et qu'il y a de plus en plus de français moyens qui deviennent des français sous la moyenne, c'est clair que la question ne se pose même pas. Et tout le reste, c'est du discours bisounours. On va dire, ah non, mais c'est meilleur pour la santé. C'est mieux. Oui, d'accord. Moi aussi, j'ai des choses à faire chez moi. Je sais que ma situation serait meilleure après, mais si je ne peux pas investir avant de récolter les fruits, on remet ça plus tard, quoi. Voilà, mais ta remarque est judicieuse en ce sens que elle s'applique tout autant à la figue blanche et aux produits dits locaux, naturels et durables, ou en tout cas pour partie, hein, c'est pas le cas pour d'autres, hein, des radis qui poussent pas loin, c'est sûr qu'ils sont ils sont moins chers que dans les grandes surfaces qu'on ne nommera pas non plus. Mais consommer de la figue blanche, une nouvelle fois, c'est pas de la figue de table. On en fait des choses merveilleuses, mais c'est pas de la figue de table. Enfin, c'est pas sa première application. Consommer de la figue blanche, ben, ça peut être parfois assimilé à un produit de luxe, c'est sûr. Donc voilà, on fait du figon au stade de la figue blanche à laquelle on peut la confire. De la figue blanche aussi, on fait bien évidemment de la confiture. Alors la confiture, c'est l'étape quasiment ultime du mûrissement de la... C'est jusqu'à l'étape ultime du mûrissement de la figue. C'est-à-dire que là, tu peux rassembler toutes les figues qui sont abîmées, qui sont hyper mûres, celles qui sont fendues, celles qui sont comme ci, celles qui sont comme ça, même celles que les oiseaux ont commencé à piqueter. Tu mets tout ça avec une bonne recette de confiture derrière et ça te sort quelque chose d'excellent. Quoi. J'allais pas dire d'unique, hein, parce que des confitures de filles excellentes, il y en a, mais elle fait partie des confitures de filles qui sont excellentes. Voilà. C'est le produit, on va dire, c'est le produit moins noble et c'est le produit secondaire, en tout cas de notre activité à nous. Mmh. Notre but, c'est quand même essentiellement de vendre du figon, la figue blanche à son état de figon, puisque c'est celle-là qui est attendue par les confiseurs et c'est celle-là qui est la mieux valorisée et la plus prisée. Une confiture de figue excellente. On peut en trouver, hein. C'est pas mais du figon confit. Autant plus que il y a le temps qui est consacré à préparer cette figue, c'est beaucoup plus long la confiserie que de confiture. Parce que confiture, on cuit, on met dans le pot, c'est fini, c'est ça. Exact. Et ici. Exact. C'est... Alors, pour illustrer effectivement cette expression de. Ça y est, tu vois, qu'est-ce que j'avais dit ? Individuel et unitaire, ouais, c'est ça ? Oui. Ouais, pour illustrer cette notion d'individuel et d'unitaire, c'est le bon moment pour parler du mécanisme de récolte et comment on arrive d'une figue à l'état de figon jusqu'à un fruit confit disponible à la consommation. Eh bien, on fait le tour de ces vergers tous les matins, on fait le tour de tous les arbres. Alors, on ne les touche pas toutes, mais souvent, on les touche quasiment toutes, une fois passé l'information envoyée par l'œil. Si on a un doute, on va vérifier. Mmh. Est-ce que la figue vient ou vient pas ? Est-ce qu'elle est suffisamment bonne ou pas ? Donc déjà, on commence une fois sur une figue. On peut y revenir 2 jours après, elle ne sera pas encore tout à fait noire. Au bout du troisième jour, qui est donc le troisième jour, on récolte tous les 2 jours. Donc au bout de 6 jours, on dit, ah tiens, elle vient, clac, c'est bon, c'est un figon. Mmh. Donc déjà, on l'a touché 3 fois. Ensuite, comme il y a aussi... En notaire ou c'est... Ah bah après, que... chacun est libre de trouver son confort là où il le trouve. Mmh. Moi, quand j'ai pris en compte la propriété où je me trouve actuellement... je suis tombé sur des arbres qui faisaient, dont les branches étaient à 6 mètres de haut. Donc faire le zazou à 6 mètres de haut sur un escarasson ou sur un escabeau, sur un petit truc, alors il faut le déplacer, il faut bien le positionner. Alors c'est pas là, c'est un peu plus par là. Alors ça, c'est. Et puis alors les risques de chute, je t'en parle même pas. Donc, tu vois, quand je suis debout, tu prolonges ça par un sécateur ou au mieux une tronçonneuse électrique, est à la hauteur à laquelle je les taille tous les ans. Parce que, un, on l'a dit, c'est résilient, le figuier. Et deux, on ne l'a pas dit, mais c'est un bon moment pour le dire, le figuier donne des fruits sur les rameaux de l'année. Sur les rameaux de l'année. Les rameaux de l'année. Donc tu peux couper tout ce que tu veux sur un figuier. Tout ce que tu veux. Jusqu'aux arbres, jusqu'aux, ce qu'on appelle les branches de charpente. Là, il ne faut pas la peine non plus de saccager un arbre. Mais tu peux mettre à blanc, c'est un terme aussi qu'on utilise, un figuier. Il va de toute façon faire des rameaux qui, parfois, selon les conditions, poussent de 80 cm dans l'année. Phénoménal. Tu pourrais faire comme les Indiens dans les grandes steppes, tu pourrais t'asseoir et les regarder pousser, tellement ça peut aller vite. Donc, c'est pas rien. Et donc, magie de cet arbre, une fois supplémentaire, ou en tout cas une occasion supplémentaire, les figues sortent sur les rameaux de l'année. L'olivier, c'est pas le cas. Il faut attendre 2 ans. Il faut attendre 2 ans pour... ça pousse bien aussi, hein, l'olivier. Hein. J'en ai à la maison. Ça pousse, ça peut faire de très beaux rameaux en une année. Mais tu es sûr que sur la première année, tu n'auras pas de figues sur ces rameaux-là. Ça commence au bout de 2 ans. Olives. D'olives, oui, merci. Après y arriver. Bon, heureusement que je m'occupe que de ça. Hein. Je n'ai pas 36 cultures à la maison. Et donc magie, quoi. Magie. Un olivier, 2 ans avant de voir une olive, le figuier, d'une année sur l'autre, quel que soit. Alors, faut pas être violent non plus, faut bien prendre la bonne période, c'est pas la peine de couper, au-dessus de branches qui sont trop hautes, parce qu'on se dit, on va pas les ramasser, donc, parce que là, tes branches maîtresses qui sont exposées au soleil, comme on l'a eu cette année, tu leur rends pas vraiment service. Donc même ça, tu dis, faut quand même protéger, faut aussi faire de l'ombre. Donc c'est à l'extrême ce que je dis, mais je justifie cette extrémité de langage par le fait que de toute façon, les rameaux qui vont pousser dans l'année, et il poussera toujours des rameaux dans l'année, donneront des filles. Voilà. Donc ça répond aussi à ta question de la taille, du dimensionnement. Personnellement, mais c'est le cas pratiquement de tous, nos figuiers sont des arbres petits. Ils sont trapus, mais ils sont petits. Pourquoi ? Parce que c'est... On peut pas se balader, on peut pas se balader, même dans certains champs de vignes, on peut pas se balader à l'aveugle, en fait. Juste mettre les pieds comme dans cette salle où on pourrait marcher à droite et à gauche sans risquer de buter dans un caillou. Là où poussent les figuiers, il y a quand même des endroits où il faut regarder où on met les pieds. C'est pas la peine non plus de partir comme ça, de tomber dans un trou. Même les sangliers nous tendent des pièges parce que parfois ils viennent gratter sous les ils viennent gratter sous les arbres. Parfois il y a peut-être des choses enterrées sous la terre qui les attirent beaucoup, dont on terra le nom aussi. Ça fait des trous hein, jusqu'à 30 cm de profondeur, on ne voit pas. On peut éviter. Et puis faut resituer ça dans tout le processus de récolte. Là, je commençais à parler de ce processus de récolte en disant qu'il faut les toucher après les avoir vus. Sauf que, préambule, il faut se lever tôt. Et pourquoi est-ce que faut-il se lever tôt, monsieur Darrec, je vous le demande. Ça tombe les figues, c'est ça là. Non, parce que à la fraîcheur du matin, le végétal est encore un peu tonique. Oui. Et quand tu as besoin de donner un quart de tour à un fruit pour voir s'il vient ou pas, si c'est suffisant, il va venir proprement. D'accord. Si c'est pas suffisant ou s'il fait trop chaud, le fruit sera déjà un petit peu mou. Ton geste, c'est pas qu'il sera un peu mou, mais au bout de 3 heures de récolte, peut-être qu'il est un peu plus mou. Peut-être que sur tes gants, dont j'expliquerai tout à l'heure un peu pourquoi il faut avoir des gants, peut-être que sur tes gants, il y aura déjà du végétal qui sera incrusté, tes doigts vont glisser, et tu vas soit arracher le pédoncule, soit arracher une partie de peau. Donc, correction, ça commence effectivement, mais ça commence tôt. Pour cette raison, le fruit est tonique, tu vas pouvoir casser le pédoncule plus facilement si le figon est au stade de pouvoir se laisser casser le pédoncule tranquillement. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement on commence tôt, hein. Je pense que les premiers doivent commencer à 6 heures. Moi je suis un petit peu plus feignant, surtout je ne suis pas très matinal, j'aime bien travailler la nuit mais pas trop tôt le matin. Pourtant on sait tous que c'est préférable. Bref, passer ces considérations, moi je commence sur les coups de 7h, 7h15. Et donc ça nous laisse un peu de temps jusqu'à, on va dire, 10h, 11h. Mais même 10h, 11h, il fait déjà chaud. Quoi. Donc tout ce qui peut être ramassé au plus tôt permettra de sauver les plus beaux fruits. Permettra d'assurer qu'on cueille proprement des beaux fruits exploitables pour ce secteur d'activité un peu de luxe quand même qui constitue les fruits confits. Voilà, donc ça commence tôt le matin. Je rembobine avant d'arriver à ce que je disais tout à l'heure, à regarder et à vérifier avec les mains s'il va être bien ou pas. Il faut s'équiper. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. S'équiper, ça veut dire qu'il faut se protéger un peu comme un cosmonaute en plein été. Je connais des membres qui mettent des gants, ce que je fais aussi, qui ont des manches longues, ce que je fais aussi, mais qui vont même jusqu'à ce que se scotcher la manche sur le gant pour prendre aucun risque de pénétration, d'infiltration par ce fameux lait de figuier, cette sève qui est créatrice au contact de brûlure au 12e degré. Je passe sur les micro-gouttes, sur parfois des morceaux de feuilles qui vont créer une irritation qui, comme toute irritation, n'est qu'une irritation, mais qui est quand même passablement désagréable. Donc, je répète, des gants impératifs, des manches longues impératifs, des bas longs impératifs. Après, une paire de chaussettes dans des sandales, ça peut le faire. Sauf que c'est pas la chaussette qui va arrêter la goutte de sève qui va traverser la chaussette. Donc, il faut aussi... C'est pas systématique, mais quand je vais ensuite passer dans la manière dont on récolte et dans la manière dont on peut récolter si on veut préserver au mieux les fruits, on va voir que c'est pas si rare que ça d'être victime d'une goutte de sève. Et je rajouterai un chapeau et je rajouterai des lunettes, même pour ceux qui voient bien. Parce qu'on ne peut pas le voir là, mais on peut le deviner aisément, quand on ramasse un fruit, en fait, on dit qu'on le ramasse, mais il est en hauteur, donc on ne se baisse pas beaucoup, on le récolte. Et donc on envoie la main généralement en hauteur, souvent on est dessous, et quand on va le ramasser, j'en viens à la technique de ramassage, alors il y a les tchapakans en provençal, puisque c'est un tchapakan. C'est quelqu'un qui fait les choses un peu n'importe comment, un peu comme un foufou. Quoi. Donc il y a les tchapakans qui vont prendre la fille, ils vont faire crac comme ça, ils vont la retirer, viens pas, ok, ah, celle-là elle est loupée, c'est pas grave, ça fera de la confiture. Et puis il y a les précautionneux qui, pour bien enlever le figon, pour mettre toutes les chances de leur côté, pour bien l'enlever avec le pédoncule, vont libérer l'espace autour du figon. Alors ça peut être des feuilles qui gênent autour, mais c'est surtout la feuille dont j'ai parlé tout à l'heure, avec son pédoncule qui alimente en eau, quasiment au biberon, à la micro-goutte d'eau, la figue, qui ne servira plus à rien, mais qui peut gêner dans le geste de torsion. Et je peux te dire l'expérience, quand tu as pris le temps de faire un geste de torsion et que finalement... tu ouvres, tu dis, là c'est pas du beau boulot, c'est frustrant, parce que tu aimes bien que ça soit bien fait, quoi. Et tu dis, bon, on va faire la confiture. Mais c'est tellement précieux ce petit figon que tu dis, bon, mal vu. Si tu veux augmenter les chances, si tu veux mettre plus de chance de ton côté, tu enlèves la feuille, premier geste. Si tu n'en as pas enlevé une ou deux autour, mais ça c'est rare. Mais bref, Premier geste, tu enlèves la feuille. Ensuite, tu enlèves ton fil. Voilà. Et là, tu as fait du bon boulot. Mmh. Et j'ai remarqué aussi quelque part que en fendant le bois, que le bois, une fois entamé, ouais, il se rend plus facilement après. C'est comme s'il y avait quelque chose de psychologique. C'est bien probable. C'est bien probable. Il s'est dit, c'est perdu, alors je donne plus la résistance. C'est bien probable. Aujourd'hui, faudrait être sot, aveugle ou dans le déni de puissance, enfin le déni par excès de puissance pour pouvoir soutenir que la nature n'a pas une intelligence. Ou alors, si on le vit pas, hein, je veux dire, si on est né dans un univers de béton et qu'on y reste toute une vie, on peut le nier, c'est sûr. Mais quand on est, entre guillemets, sur le terrain, même en tant qu'amateur, hein, on peut pas le nier. Moi, j'ai remarqué qu'il y a, autre petite digression, mais toujours sur les activités, végétales, j'ai remarqué qu'il y a des endroits où, à force d'enlever de la salse pareille, elle revient plus. Mmh. Ou elle revient moins. Et dans les endroits où on a plaisir de cueillir, l'année suivante, on peut trouver beaucoup plus. On peut trouver beaucoup plus. J'ai même fait la différence avec des arbres que j'ai redécouverts dans la jungle, que j'ai sortis de la jungle, qui ne donnaient rien et qui recommencent à donner. Mmh. Et ça m'invite à penser, alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça va dans la remarque que tu faisais à l'instant, c'est complètement cohérent et c'est complètement du même tonneau, que si tu t'intéresses à l'arbre, il va s'intéresser à toi. Par contre, si tu ne t'intéresses pas à lui, il ne s'intéressera à personne. Mmh. Donc quelque part, ça veut dire qu'un figuier, comme un autre, qui est laissé à l'abandon dans la broussaille, qui ne sert, entre guillemets, plus à personne, qui ne peut plus assumer le côté noble de son rôle de nourrir l'être humain sur la planète, on va dire, pourquoi je vais faire des fruits, moi? Pourquoi je vais faire des fruits? Je vais faire des branches, je vais monter vers la lumière, je vais m'agrandir, je vais faire du bois, va être super, de long, tout ça, très bien, quoi. Mais de fruits, t'en feras pas. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est un constat. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Protection importante, parce que t'es vraiment pas à l'abri. Je dis que quand tu le doubles en plus ce risque, c'est-à-dire que quand tu ramasses pour en mettant le plus de choses de ton côté, pour ramasser un figon de bel aspect et complet, ben tu vas enlever la feuille qui est à côté, et déjà en enlevant la feuille qui est à côté, tu vas libérer de la sève, une première fois. Et ensuite, en libérant ta figue, tu vas encore libérer de la figue, tu vas encore faire couler de la sève. Donc, c'est des gouttes quand même qui sont assez importantes. Je répète, le matin, quand il fait frais, le végétal est encore un peu tonique. Quand tu claques une feuille comme ça, c'était pas à l'abri d'avoir une projection. Je parle même pas d'une goutte qui mécaniquement va tomber par gravité. T'es pas à l'abri de prendre une projection. Et pour l'avoir vécu, et encore je pense que c'était qu'une feuille, si c'était pas de la poussière de feuille, pour l'avoir vécu sur un œil il y a 2 ans ou 3 ans, je souhaite vraiment à personne de se retrouver avec une goutte de sève de figuier dans l'œil. C'est tout de suite le rinçage à grandes eaux et tout de suite l'hôpital. Voilà. Donc tout ça pour reparler de l'individuel et de l'unitaire. Donc on a déjà commencé tout ça. Là, la matinée progresse. Après, il y a les rapides, les moins rapides. Et une fois que les rapides et les moins rapides ont tous fini, on se donne rendez-vous. Ah, j'ai oublié un truc aussi dans l'unitaire et l'individuel. Je rembobine un peu. On en connaît, on en a eu connu, qui partaient dans leur figuier avec 2 gorbelettes. La gorbelette, c'est ce petit panier en osier qu'on suspend généralement au cou ou autour des épaules pour récolter des figues, mais également des olives. Bonne nouvelle, ça sert pour les deux. Ça fait des économies d'échelle. Une fois que tu es parti avec tes deux gorgelettes, c'est pas innocent. Moi, j'en ai pas vu faire, mais je sais que ça a existé, ou peut-être ça existe encore dans d'autres régions. Il y a la gorgelette pour les figons, qui pourrait être aussi la gorgelette pour les filles de table, et la gorgelette pour les confitures. Sauf que une gorgelette bien remplie, c'est quand même 6 à 7 pistons. Autour du cou, c'est pareil, hein, ça s'inscrit dans ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bon, le figon confit avec le foie gras, mais il faut savoir d'où il vient quand même. Hein. Sinon ça... Il faut savoir remercier dans gratitude à l'intérieur. Gratitude, ouais, tu sais bien, gratitude pour ce qui est donné par la nature et pour le travail de l'homme qui te met dans ton assiette. Ouais. Bref. Et donc, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas faire un tour pour les figons, parce que je répète, souvent, il faut... voir un peu au bout des doigts ce que ça renvoie comme information, puis un tour pour la confiture. Donc tu mets tout dedans. Jusque-là, pas de problème, je veux dire. Hein. Ton but, c'est de préserver les figons. C'est pas les filles plus molles qui vont abîmer tes figons. Donc, et puis ça ne dure pas si longtemps que ça, le passage en gorbelette. Donc, une fois que tu as fini ça, que ta gorbelette est pleine, ben, rendez-vous aux cagettes pour mettre... des figons d'un côté et de la fille à confiture de l'autre. Donc, autre tri. Donc, tu retouches encore tes fruits individuellement. Si tu pensais avoir un bon figon, tu te dis, ben non, il est trop mûr. Le temps qu'il soit pris en compte, qu'il arrive chez le transformateur, ça fera la confiture. Donc, je mets tout de suite à la confiture. Parfois, tu es trop gourmand aussi. Tu insistes sur des figues. Et tu te dis, mais... Bon, quand tu as des lunettes de soleil, ça peut excuser un peu. Et quand tu les enlèves et que tu fais ton crime, et que tu n'as plus besoin de tes lunettes de protection, tu te dis, mais il est bien vert quand même. Tu tapes comme ça, hop là, au revoir. Donc tu vois, il faut une nouvelle fois, individuel et unitaire. Donc même là, même à ce point-là, eh ben, tu revisites, comme disent les gens bien élevés, tu revisites le sujet en faisant le tri vraiment entre les filons et le tri entre les confitures. Voilà. Et quand tu as fini ça, et que tout le monde a fini ça, chacun apporte sa production au local de l'association. Qui est-ce qu'il aide et qui nous rend bien service? C'est un ancien transformateur recyclé qui a été viré, qui a été vidé de tout, mais ça nous permet quand même d'avoir une chambre froide à l'intérieur, par exemple. C'est pas bien grand, c'est pas bien ci, c'est pas bien ça, il fait meilleur dehors que dedans, en plein été, etc. Mais on se retrouve à cet endroit-là. On va dire au début d'après-midi. Donc c'est pas rare pour des gens comme moi qui mécaniquement ne peuvent pas être aussi rapides que d'autres. Enfin, ils peuvent pas avoir le même débit que d'autres. C'est pas rare que bon, quand je commence à 7h, je saute le repas, j'arrive jusqu'au local, et au local on récupère tout le monde. On a donc un système. On ne peut plus trier après, c'est pas possible. Parfois, quand on en voit, celle-là, il faudrait la retirer. Mais bon. Je pourrais parler de ça aussi en 2 minutes, parce que ça, c'est délicat et ça illustre bien les problématiques de terroir en lien avec l'humain. Parce que vous mélangez vos productions et... Alors non, on ne la mélange pas, si tu veux. Mais quand tous les membres apportent, ils apportent dans les mêmes cagettes, mais ils apportent soit du figon, X cagette, soit de la confiture, X cagette. Sauf que la digression, je peux la faire maintenant. Quand on parle de tri, parfois on prend peur. C'est-à-dire qu'on trouve dans du figon des filles qui ne sont pas mûres. C'est pas cool, parce que le gars a un bout de chaîne, il va acheter du figon, mais celui-là, il ne pourra pas le travailler. Et dedans, c'est pas prêt. L'ostiole n'est pas ouverte, zéro. Je ne sais même pas s'il peut en faire la confiture. S'il a des poules dans son jardin, il va pouvoir les abandonner et ça va s'arrêter là. Et puis alors parfois, tu as des figues dans des casiers à figons qui ont tout un aspect, sauf l'aspect de figons. Ils ont déjà des figues à confiture. Seulement, c'est les membres de l'association qui les amènent. Alors parfois, ils s'en rendent compte, ils disent « Ah non, celle-là, j'aurais pas vu. » Pour très bien faire les choses, il faudrait qu'on puisse trier encore. Sauf que, un, on n'a pas la place, et deux, c'est marrant comme l'humain est fait, quand il s'agit de trier ses filles pour lui, il les trouve toutes parfaites à l'endroit où il les a mises. Et quand c'est Hervé qui passe derrière, il dit Fillon, jamais de la vie. Donc tu enlèves les filles de ces casiers à Fillon, voilà, et puis tu les mets dans la confiture. Seulement, la confiture, ça rapporte moins que le Fillon. Et parfois, ça peut créer des tensions. Mmh. Ah ouais, mais lui, quand il trie mes filles, il trie alors tout le temps. C'est très terroir, ça. Hein. C'est très terroir. En un mot comme en sang, et j'ai pas honte de ça, puisque. Parce qu'en plus, c'est un petit peu subjectif, quelque part. Alors, ça se veut justement le moins subjectif possible. Quand on sait ce que c'est un Fillon, quand on sait ce que c'est un Fillon avec. Je peux pas maintenant. Quand on sait ce que c'est un Fillon, quelles sont les caractéristiques du Fillon, qui sont faciles à identifier, je ne vais pas les répéter là, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Et quand on constate une fille qui est déjà pénec aussi, on dit en provençal. Pénec. Pénec, c'est fatigué, quoi. Mmh. Et elle est toute pénec. Quand on voit qu'il y a une fille qui tient encore comme un peu au bout de son pédoncule, on ne peut pas fonder ça comme du Fillon. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, au-delà de la malhonnêteté intellectuelle, faut être respectueux de ce qu'on prétend faire, quoi. Sinon, si on dit, nous, on fait du Fillon confit et qu'on fourgue un tiers de filles à confiture dans un lot de Fillon à un confiseur, c'est pas très rigolo, quoi. Voilà. Alors, il y a des confiseurs qui anticipent. Ils disent, je vais prendre tant de kilos parce que je sais que dedans, de toute façon, je vais avoir de la perte. Et ce qui peut être vrai aussi du matin pour le lendemain matin. Hein. Oui. À la vitesse où ça va, un Fillon qui est déjà bien fait, peut-être que le lendemain matin, il ne sera plus en état d'être confit. Hein. Ça se joue à pas grand-chose. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, là, tu as encore... C'est encore une étape, et je te dis, pour les gens comme moi qui ne peuvent pas aller aussi vite que d'autres qui sont mieux équipés, il n'est pas rare que je commence à 7h, qu'il n'y ait pas de pause déjeuner, qu'à 2h ou 3h je sois au local, et à 2h ou 3h au local, ben, on reçoit tous les autres qui n'ont pas de. Et en plus, on a ceux qui ont fini plus tôt le matin, qui ont déposé déjà dans la chambre froide. Mais à cette heure-là, à ce moment-là, donc quand tous les produits sont disponibles, c'est la pesée. Mmh. Donc on pèse les filons, on attribue à monsieur machin tant de kilos de filons, tel jour. Ok, t'as fait de la confiture, oui, un peu moins. Ok, madame machin a fait de la confiture, tant, tel jour. Ok, ça rentre dans l'ordinateur. Au passage, on remercie le créateur du logiciel. Nous a fait un produit suffisamment efficace pour que des années après, il soit encore très, très largement acceptable. Parce qu'avant, c'était des carnets à souche. Donc, reçu de monsieur machin, tant de kilos, alors tu gardais tes carnets, il y avait la souche, le machin, et puis en octobre, quand c'était venu le moment de payer, c'était pas toujours la brasse coulée. Ah, oui. Mais moi, j'ai un bon, mais non, mais j'ai pas le double, mais je t'ai fait un double, mais non, je ne l'ai pas eu. Voilà. Et en provençal, la langue est suffisamment bien fournie pour expliquer ce type de relation. Bref, on fait la pesée et on sait de combien on va disposer en figon et en confiture. Ce qui va nous permettre d'honorer la commande que l'on a établi comme on a pu avec les outils et l'expérience, qu'on a établi un jour, deux jours ou trois jours plus tôt en se disant on a ramassé telle date, on ramassera telle date. Généralement, la production suit une courbe ascensionnante, on dit comme ça, une courbe qui monte, déjà pas mal, qui atteint son paroxysme pendant quelques jours et qui redescend gentiment. Donc, le tout, c'est d'arriver à tenir compte de cet aspect-là, de la maturité de la récolte, quel jour. Et c'est d'autant moins facile que tu as des parcelles qui sont à l'arrosant, qui bénéficient de l'eau, d'un canal par exemple, souvent d'ailleurs c'est le cas, et d'autres parcelles qui ne sont pas à l'arrosant. Donc la maturité des fruits n'est pas la même. Je ne parle pas de la taille. La taille, c'est sûr que quand tu arroses... À soleil égal, ça fait une sacrée différence, et pas qualitativement. C'est-à-dire que tes fruits à toi vont être aussi bons, mais ils vont être plus petits. Après, dans un pot, comme tu as vu un peu les tailles, si c'est pour mettre trois grosses figues, c'est pas intéressant. C'est quand même plus sympa de mettre une grosse figue, deux moyennes, trois petites. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que la récolte, la quantité, le volume que l'on va récolter, qui va venir nous les chercher, ça répond aussi à un calcul. Au calcul de se dire quand est-ce qu'on est à peu près tout sa maturité pour pouvoir promettre 300 kilos à machin. Là, prends le téléphone, allô machin, dans deux jours, 300 kilos, c'est bon pour toi? Vous n'auriez pas 350? Pas sûr, mais 300, ouais. Bon, manque de bol, deux jours après, il y en a 280 kilos. Alors, il y a quand même le gars, forcément. Mais bon, on sait toujours que c'est dommage, parce qu'ils viennent quand même, je répète, de Nice, de Carpentras, d'Avignon, d'Apt. C'est pas la porte à côté. On en a même, mais grâce aux bénévolat de certains de chez nous, qui pour que l'opération se réalise, parce qu'on a aussi un intérêt, nous, on ne va pas rester avec du figon sur les bras, qui va être transformé par personne, qui font la moitié du chemin, pour que le gars qui vient du fin fond du département du Vaucluse ne se tape pas, par exemple, toute la traversée, on va dire, les points de rencontre, c'est souvent Vinon-sur-Verdon, par exemple, qui n'est pas à se remonter, Saint-Julien-le-Montagné, Vinacerville, Truc, Salerne, etc. Donc voilà, on arrive à faire ça, mais c'est pas toujours évident, je répète, parce qu'il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Tous nos vergers ne sont pas les mêmes, ils ont chacun leurs caractéristiques. Et donc, arriver à dire tel jour, c'est monsieur machin qui viendra de Nice récupérer 300 kilos, bon, bah, c'est le plan. S'il y en a 320, il les prend aussi. Hein. Oui. Mais s'il y en a 280, bah, c'est pas bien grave, 280. Oui. Si on n'en a que 200 pour 300 prévus, oui, donc ça veut dire que là, je vais être obligé de revenir au moins une fois supplémentaire parce qu'on n'a pas pu, avoir la quantité qu'on voulait. Quoi. Voilà. Oui. Et voilà comment s'arrête une journée de récolte. Et je répète, ça dure... Cette année, comme on a eu une belle nature, on a dû faire officiellement 11 ramasses. Une ramasse pour nous, donc c'est tout le monde dans ses vergers pour récolter les figons en même temps. Donc on a dû faire 11 ramasses. D'habitude, on est plutôt à 8 ou 9. 8. Parce que, je répète, ça dure traditionnellement, si on veut schématiser un peu, avoir des repères, ça dure de mi-août à début septembre. Donc 15 jours, je fais 8 ramasses, parfois 9, si la météo le permet. Et cette année, bah, on a commencé plus tôt et on a fini un peu plus tard. Ce qui explique qu'on a fait, en tout cas certains, donc moi j'ai ramassé jusqu'à 13 fois. Après, rien ne nous empêche pour des besoins perso, pour nos propres confitures, pour y aller, hein, quand il y en a. Hein. Enfin, les membres de l'association ne sont pas tous censés tout amener à l'association. Voilà. Tout ça pour dire, et pour finir, que cette association, elle existe depuis 2002, qu'elle a été créée en réaction à cet effondrement de la fille blanche, au fait que c'est des locaux, hein, bien souvent, se sont dit, mais c'est pas possible de laisser perdre un truc comme ça, quoi. C'est pas possible. Donc il y a eu cette association qui s'est créée à l'initiative de, là je peux la citer parce qu'elle mérite bien ça, de Nathalie Pomero, qui est l'instigatrice du renouveau de la fille blanche. J'allais dire, donc, l'instigatrice du renouveau de la fille blanche, donc en cinq mots, c'est ça. Nathalie Pomero, c'est l'instigatrice du renouveau de la fille blanche de Salerne. Parce qu'il a fallu tout remonter. Après cette période, dont on en a parlé tout à l'heure, qui a donné naissance, peut-être en Pologne, au geste que tu m'as montré et au proverbe que tu m'as donné, mais qui, en France notamment, a amené les gens à qualifier péjorativement certaines choses en disant « ça ne vaut pas une poignée de filles ». Ça, c'est le terme en France. Et quand on a dit « ça ne vaut pas une poignée de filles », Ben, c'est bien parce qu'on est bien élevé et qu'on n'a pas voulu dire ça vaut pas de balle. Voilà. Donc il a fallu passer de cette période où ça valait pas une poignée de filles jusqu'à un vrai renouveau. Hein. Et puis là, je le dis très, très, très clairement et sans tromperie, quoi, ou sans excès, sans faconde, un renouveau dans le sens où aujourd'hui, on a des acteurs économiques qui travaillent avec, autour et par la fille blanche. Et c'est quand même pas mal. On a un confiseur, on a un chocolatier qui nous travaille la fille blanche, qui nous fait des confits, mais qui fait aussi du chocolat farci au confit, enfin farci à la fille blanche de Salerne. Donc c'est pas des petits, ce sont pas des petits acteurs. On a un troisième qui a ouvert une activité de gîte, chambre d'hôte, centrée exclusivement, pas exclusivement, mais très largement autour du Fillon, donc qui fait ses propres produits dérivés. Qui s'en sert ben, c'est plutôt l'activité gîte et chambre d'hôte qui renforce en fait leur intérêt et leur passion pour la fille blanche de Salerne. Donc ils font des produits, ils sont présents sur les marchés. On a deux horticulteurs. Donc finalement, on a bien une micro-filière qui s'est recréée et qui fonctionne. Elle fonctionne d'autant mieux, et je finirai peut-être là-dessus, c'est que justement, les locaux, comme on va les appeler entre nous, eh ben, ils nous interpellent encore cette année en nous disant « Mais non, faut pas exporter la figue blanche. Non, vendez-la nous, on va la transformer. » Donc si ça, c'est pas un signe de réussite, eh ben, moi, je suis la petite sœur des pauvres. Sur ce, si tu as des questions... Par rapport au processus de ramassage, qu'est-ce que vous faites avec les figues qui tombent de l'arbre? Alors, c'est rare, en fait. C'est rare, pourquoi? Parce qu'en passant tous les deux jours, ça n'a pas vraiment le temps de tomber. D'accord. Franchement, il n'y a quasiment pas de déchets par rapport à ça. Si vous trouvez, c'est à jeter, c'est ça. C'est juste que c'est pas possible. C'est juste que c'est pas possible, si tu veux, avec une fréquence tous les deux jours. D'accord. Tous les fruits de qualité. Quand il y a du vent, par exemple. Ça tient bien. Hein. Ça tient bien, ça n'a pas trop d'incidence. Ça pourrait avoir d'incidence au giboulet, mais. Nous, on n'en a pas eu cette année, et ce n'est pas une faconde méditerranéenne de dire qu'on est sensible à la giboulée en plein été. Il y en a pas plus loin que Brignoles qui en ont souffert cet été, de grêle, quand même. Donc il faudrait de la grêle pour les faire tomber, la pluie, aucune chance. Par contre, la pluie, plus le soleil par derrière, je te dis, ça tâche les figues. Elles sont bonnes, mais quand tu fais un produit de qualité, soit il est nickel, soit il n'est pas. Voilà. Par contre, tomber de soi-même, ça n'existe pas. Et c'est nous qui les faisons tomber, en fait. Quand on voit un fruit imparfait, un fruit qui ne va pas mûrir, on y est. Hein. Donc, eh ben, autant le faire tomber. C'est ça qui, entre guillemets, tire moins sur l'arbre. Ça tire moins sur l'arbre. Après, je te dis... On a quand même des prédateurs. Oui, on a des prédateurs hein, sur le figuier. On a la mouche aussi qui pique. Une piqûre de mouche, c'est rédhibitoire parce que ça va pourrir à l'intérieur, une partie du fruit. C'est pas comme une figue tachetée par des pluies qui ont été séchées trop fort par le soleil. C'est là, en termes de goût, elle perd pas grand chose. C'est juste qu'elle n'est pas présentable pour ce qu'on veut en faire. Mais elle peut partir en confiture. D'accord. C'est l'emballage qui est abîmé. L'emballage qui est abîmé. La piqûre de mouche est rédhibitoire. Il y a aussi la pyrale. Et on les voit avec les... Oui, ça se voit. Avec les trous, les petits trous. Oui, oui, ou soit il y a une traînée noire qui veut dire que ça a été piqué, que ça a commencé à... Ça se voit. On ne peut pas dire... Tu vois, c'est aussi une des utilités du tri qu'on devrait faire avant de l'envoyer. Parfois, tu es obligé de balancer des figurons qui sont superbes parce qu'elles sont piquées à la mouche. Alors après, tu te dis, après il y a des gens qui pourraient se dire, c'est petit, si c'est pas du bon côté, on ne le voit pas. Après, chacun a un rendez-vous avec lui-même, hein, je dirais. Donc, Il y a les frelons aussi qui aiment bien. Il y a les frelons, et tout ça pour répondre à ta question, si on trouve des figues par terre, c'est celles qu'on a fait tomber nous. Voilà. On laisse bien en l'air, tant qu'on n'en a pas trop besoin pour les confitures, on laisse bien en l'air celles dont les oiseaux se régalent, parce qu'en principe, quand ils ont commencé à venir à une figue, ils y continuent, donc c'est pas la peine de dire « Ah, les oiseaux ont encore trouvé une figue par terre ». Ah non, parce que celle d'à côté qui est en train de mûrir, ils vont la trouver. Alors, l'oiseau est intéressant, c'est que lui, il n'a pas besoin de tripoter la fille pour savoir dans quel état de maturité elle est. Il trouve tout de suite la bonne. Mais bon, non, c'est pas que c'est intéressant, c'est pas exceptionnel, c'est pareil avec tous les fruits. Hein. Mmh. Voilà, donc si tu trouves des fruits par terre, ou des figues par terre, ou des morceaux de figues par terre, là ce sont les ramasseurs qui, en faisant leur inventaire, puis bah, tiens, celle-là, il est piqué, allez, j'enlève. Parce que mine de rien, un beau figon qui mûrit bien, bah, ça prend de l'énergie à l'arbre aussi. Alors c'est rien en soi, mais multiplié par 500 sur un arbre, au même moment. C'est-à-dire qu'il utilise ses forces pour rien déjà. Et puis ça répond, alors après, chacun... Mais c'est pareil, hein, c'est pas des modes récents de fonctionnement, bah, où ce sont... Comment dire ? Avant, ça existait aussi. C'est-à-dire que le figon était tellement prisé, était tellement avait tellement d'attention sur lui, qu'on a connu des agriculteurs, des ramasseurs, qui sont encore en vie aujourd'hui, qui se posaient même pas la question de figon ou confiture. Pour être très précis, c'est du figon que je ramasse, c'est de la confiture par terre. Moi, ce que je mets par terre, je suis beaucoup plus... parce que j'aime ça, hein, déjà, et que même parfois, tu sais, quand tu vois une caisse de figons pour confiture, tu te dis... mais c'est là qu'elles sont les meilleures, en fait. Je te dis, dans l'absolu, moi, je recouvre, quand je fais des confitures, je recouvre mes figues que je vais cuire, quoi. Mais quelque part, quel que soit le volume du contenant. Donc si j'ai un contenant comme ça, bah, qui fait un diamètre de 30, je vais couvrir sur 30 cm, sur ça. Mais si j'ai un petit, c'est pareil. Je ne mets pas l'épaisseur, mais je recouvre complètement. Tout ça pour dire que, quelque part, on pourrait tout à fait imaginer de la confiture de figues blanches de Salerne, une nouvelle fois. Je ne sais pas les autres. Quand une figue est sucrée, elle garde son sucre. Il y a quand même des figues qui sont naturellement plus goûteuses et ou plus sucrées que d'autres. Donc, dans l'absolu, tu pourrais très bien faire la confiture de figues blanches de Salerne, c'est pour ça que j'insiste, c'est pas pour faire de la pub, sans ajouter du sucre par-dessus. Et pour revenir au sujet précédent, et pour finir avec le sujet précédent, moi, quand je mets des fruits par terre, c'est parce que, un, ils n'ont plus rien à faire sur l'arbre, et deux, peut-être qu'en mettant des fruits par terre, je vais peut-être éviter que les sangliers montent aux arbres aussi. Parce qu'on a des sangliers grimpeurs aussi. Bah oui. Donc c'est pareil, quant à ce sujet, ça intervient aussi, et c'est important. C'est pas négligeable, c'est un des éléments qu'il faut prendre en compte quand on taille son figuier. Il faut quand même que ça soit pas trop bas. Faire le nécessaire pour que les branches puissent pas être trop facilement atteignables. Parce que... Par les sangliers qui se mettent à des pattes. Ouais. Comme j'ai eu l'occasion de le dire aussi tout à l'heure, pour le bois étant très fragile, très cassant, pour trois figues volées, il va nous péter une branche. Donc c'est dommage, quoi. Quand on voit ce que... Même si on sait, je le répète, que la figue, elle pousse sur les rameaux de l'année, donc l'année prochaine, bon, il n'y en aura pas sur cette branche, mais il y en aura. Donc c'est pas, faut pas non plus faire une fixation. Mais c'est aussi, après, ça dépend comment on vit la chose. Hein. Mais moi, voir une branche cassée, mal coupée, j'ai qu'une hâte, c'est de revenir et la couper proprement. Voilà. Donc voilà un peu l'histoire de la figue blanche de Salerne. Des conservations et des Mais la conservation. Ça se vend très cher, alors, les figues. Ben, c'est pas donné, ouais, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné. Mais une nouvelle fois, moi, je peux te parler de. Je dirais, du prix du litre de sueur à la ramasser et puis à la remettre au confiseur. Mais les confiseurs derrière, c'est une sélection, un bain, deux bains, trois bains. S'ils veulent faire des produits plus exceptionnels, mais maintenant c'est en diminution parce que le sucre est plus tellement dans les modes alimentaires de l'être humain. Tout le monde a bien compris que même les sucres naturels, bah, c'est sûr qu'il en faut, hein, sinon il n'existerait pas. Et sinon on serait tous en hypoglycémie. Et on sait qu'être en hypoglycémie, c'est pas bon, donc il en faut du sucre quand même. Mais du sursucré, comme il y a eu, comme c'était la pratique à certaines époques, c'est fini. Quand on fait goûter nos produits, quand on est sur des manifestations X, Y et Z, comme on sera, tiens, par exemple, à la manifestation départementale autour du vin les 21 et 22 octobre, pour faire une petite pub au château des Demoiselles, qui est sur la commune du Nuit ou de Tarado. Oui, je crois. On voit bien les gens. Quand on leur fait goûter deux cycles de confisage, ça va. Si on leur fait goûter quatre ou cinq, ils disent tout de suite c'est trop sucré. Donc finalement, c'est un bien pour un meilleur quelque part. Ou c'est un moins bien pour un meilleur. Et donc, le confiseur, bah, après, il peut. On en a connu qui allait jusqu'à le confire 12 fois. C'est autant de manipulation. Pour bien faire un confit, alors il y a plein de recettes, hein. Mais le confit se fait normalement un jour un confisage. D'accord ? Donc tu fais ton sirop, tu mets tes fruits dedans, tu fais confire, il faut que ça vienne à frémissement, léger. Moi, le premier que j'ai fait, il a fini en caramel. Caramel de figue. Je ne l'ai pas encore goûté, mais c'est un pot. Il n'a pas du tout la même. Il n'a pas du tout le même aspect que les autres. Mais du caramel. Peut-être ça peut être bon aussi. Ça peut être bon, ouais. Je pense que j'ai bien fait de ne pas le jeter. et donc, tu vois bien, donc un confisage. Après, une fois que ça confit, tu retires du feu, ça redescend, ça s'imprègne. Le lendemain matin, tu reviens. Ça demande un sacré boulot, quoi. Déjà, quand je fais des confitures le soir de cerises, c'est l'odeur qui me réveille parce que calanché en attendant que ça. Et pourtant, j'avais mis à feu doux. Mais là, faut être sûr de ton matériel, quoi, hein, pour que ça accroche pas, que ton sirop accroche pas, qu'il caramélise pas. Alors, quand tu l'as, la température, tu l'as. Hein. Ça, c'est clair. Mais quand tu ne l'as pas, c'est difficile. Il faut être là, il faut bien connaître son feu aussi. Moi, j'ai des feux à la maison, même le plus petit, il est trop fort. Donc si je ne mets pas, tu sais, le truc en ferraille. Tamiseur. Comment tu appelles ça? Bah, tamiseur, je dis. Une interface en ferraille, là. Bah, sur lequel on pourrait griller du pain d'ailleurs, peut-être que c'était pour ça aussi. Bah, si je ne le mets pas, je sais que je vais avoir un feu beaucoup trop fort, même le plus petit de mes 5 feux, au plus bas. Enfin, plus bas, je peux encore passer de l'autre côté. Non, j'ai une bêtise, je peux encore. J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait le plus bas par en bas et que si tu le faisais manuellement en remontant par en haut, tu pouvais vraiment régler encore plus fin. Mais je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Bah oui, mais il y a des risques que ça s'éteigne. Un courant d'air, hein. Par sécurité, ça va s'éteindre. Voilà, donc, donc le confiseur, tu dis, après c'est ça. Et à chaque fois, c'est une manutention. Donc forcément, après c'est un conditionnement. Après c'est standard pour toutes les autres activités. Hein, à part les fraises du Chili. Je vais arrêter avec les fraises du Chili. Je vais les acheter tout de suite avec de la crème fraîche. Bref, tu as besoin d'un contenant à chaque fois, que tu sois. Mais quand même, quand tu fais des choses à l'ancienne, ils font ça certains dans des chaudrons en cuivre. mais pas des, pas ce qu'on a à la maison. Des gros chaudrons. Alors bon, on dira, c'est amorti, ceci, mais c'est des vieilles installations, donc il faut être aussi très, très précautionneux de leur maintien, de leur nettoyage. Pareil, quand je nettoie mon petit chaudron à la maison, il ne va pas me falloir 3 heures, hein, mais quand tu es sur un chaudron qui fait 1,50 m à 2 m de diamètre, une fois que tu as fini. Et c'est le cuivre hein, qui est utilisé, c'est ouais, ça? Oui, c'est le cuivre. Ouais. Voilà. Bah, ça reste. Mais avant, on avait cuivre ou on c'était pas les casseroles d'autres matières, en pierre bah, ou... en pierre, non, je pense pas. Non. Non, mais le cuivre a existé quasiment tout le temps. Hein, depuis, Et puis l'ère du cuivre, le bronze. Le bronze, c'est déjà des tailles du cuivre. Hein. Oui. Les éclairs en bronze. Oui, ça remonte avant le 7. C'est avant Jésus-Christ. Hein. Bah oui, bah oui. Alors, je suis certain que nos ancêtres ne s'en mettaient forcément pas à faire confier des fruits. Ah, bah oui. Forcément pas, quoi. Donc, par contre, ça serait. Je pense que là. Je regarderai dans le bouquin de Suzanne, je ne crois pas que ça y soit, mais je me renseignerai, tu vois, parce que ça peut être une lacune sensible et facile à combler. Mmh. C'est de savoir à partir de quelle époque dans l'histoire l'homme a commencé à construire des. À confier des fruits. Mmh. Mmh. Je pense qu'il a déjà fallu stabiliser justement tout ce qui est cuisson. Déjà ça. Bah oui. Et déjà, comme il commence à anticiper les problèmes d'hiver. Oui, c'est ça. Anticiper la cuisson. Mmh. Anticiper la cuisson, donc bien connaître son outil de cuisson. Parce qu'avant, c'était au bois, donc forcément que le point idéal à trouver et à tenir était moins facile qu'avec du gaz, aussi puissant soit-il. Et puis si tu n'as pas les bons contenants et que tu dis bah tiens, j'ai fait des gamelles en ferraille mais ça accroche ou ça donne un mauvais goût, c'est pas le cas avec le cuivre, ça accroche pas et ça ne donne pas de mauvais goût. Donc tant que tu n'es pas arrivé à ce mariage, à ce cocktail entre guillemets, tu pouvais pas être content et que t'as pas un jour à flinguer parce que t'as plus rien à faire chez toi, bah tu te dis pas tiens je vais faire des cuites figons, tu vois. Je vais les manger tout de suite ou je vais les faire sécher pour cet hiver pour avoir quelque chose à manger, quoi. Entre parenthèses, ça marche tellement bien la figue séchée qu'avec un de nos partenaires qui est aussi membre de l'association, on va pouvoir développer la figue séchée. Mais là, il y a les problèmes de conservation, parce que les mythes adorent les figues séchées. Ah ouais, mais si tu as appris par quelqu'un qui a eu la gentillesse de te le dire qu'avec une poignée de feuilles de laurier, sauce, s'entend, bah les mythes, t'en as pas. Mais que si te reste même sur ton rameau de laurier sauce que tu as coupé, si t'en reste encore un bon bout, tu le mets dans ton armoire à fringues et que les mythes ne vont pas s'approcher, t'as gagné. S'il n'y en a pas un autre qui arrive en disant qu'il faut mettre un peu de farine pour absorber le peu d'humidité qu'il y a, bah t'as perdu. Mmh. Et si quelqu'un te dit mettez un peu de farine, des riz par exemple, et quelques feuilles de laurier, vous mettez ça dans une boîte en fer blanc. Suzanne disait encore qu'on ajoute quelques gouttes de vinaigre. Ah oui, après. Pour tuer les vers, s'ils sont par hasard dedans déjà. Bah, quand ça a été bien séché, il n'y a plus grand-chose. Hein. Ça aussi, c'est une histoire, le séchage. C'est une histoire. Avant, il y avait dans les campagnes, il y en a encore, mais à l'état de ruine, il y avait des petits... Je le dis, mais c'est dans le bouquin de Suzanne, mais c'est un autre mode de conservation. Il y avait des petits bâtiments de pierre, qu'on appelait des graissiers. G-R-A-I-3-2-S-I-E-R-S. Et le graissier, c'est le local à partir duquel on organise tout le cycle de séchage de la figue. C'est-à-dire qu'on rentre les filles le soir, on les sort le matin. Devant le graissier, il y a des supports en pierre sur lesquels on va mettre des clés et sur lesquels on va disposer les filles. Mmh. Alors, je te fais... Mais une fois, et après on bouche la construction entière ou à chaque fois on s'amuse. La porte ne s'y prête pas toujours. Mmh. Donc il faut... Tu peux avoir des clés qui sont longues, tu comprends, et pas nécessairement très larges. Donc effectivement, celles-là, tu les soulèves des supports de pierre, parce que c'est pas même le sol, tu les soulèves du support de pierre, tu as pris quand même les dispositions qui vont bien pour éviter que les oiseaux viennent te les manger. Ou des mouches. Pour éviter que les mouches viennent, pour éviter que les fourmis viennent. Donc, en plus, donc quand tu as enlevé toutes ces protections, bah, tu enlèves tes clés. Si tu as fait un boulot intelligent, entre guillemets, mais ces gens-là avaient l'intelligence du côté pratique, quoi. Tu peux avoir une clé qui fait 4 mètres de long. Si ton graissier à l'intérieur il fait 4 mètres et ta porte fait 80 cm, bah, tu sais que tes clés vont faire 80 cm de large maximum. Mm-hmm. Donc, tu rentres tes machins, tu les remets sur les tiroirs. Mais c'était pas à l'étage. Ah oui, bien sûr. C'était oui, à l'étage. Bah, j'y viendrai après. Tu fais juste sortir des tasseaux de bois aux bons endroits. Tu reposes tes clés, tu les empiles. Hein, et puis le lendemain matin, hop, on rembobine et on part en marche arrière et on refait ce qu'on a fait la veille. Mm-hmm. Pour en revenir à ça, soit tu tombes sur des graissiers qui existent encore, mais à l'état de ruine, forcément. Hein, qui va faire ça aujourd'hui? Pareil, hein, à l'ère du... Je suis complice, parce que j'y vais aussi, hein, faire mes courses en grande surface, quelle qu'elle soit, mais ça reste... C'est aussi les grandes surfaces, ça m'empêche pas d'aller dans des fermes, etc. Mais oui, bien sûr, les filles séchées, j'en fais quelques-unes quand j'ai le temps et quand ça m'amuse. Parce que, je répète, il faut les sortir le matin, il faut les rentrer le soir. Alors, quand déjà tu commences ta journée à 6h30 à te lever, tu sais qu'il va d'abord falloir que tu t'occupes de ça ensuite, et ensuite seulement tu pourras aller là-bas. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, bon bref, il faut aussi que tu puisses tourner les talons en étant sûr, je répète, que les oiseaux ne viennent pas te les piquer, et que les mouches et les fourmis ne viennent pas te les infester. C'est une autre charge, quoi, hein, supplémentaire. Quand tu es en pleine ramasse, généralement, alors tu peux les faire sur la fin, les poignées de figues ou les quelques kilos de figues que tu te réserves pour ta consommation personnelle, tu peux aussi les travailler en séché, sauf que tu es loin d'être dans des quantités importantes. Parce que ce que tu fais à deux ou trois avec un graissier, on va rester sur cet exemple-là, sur un graissier qui fait 4 mètres de long, sur, je sais pas moi, même sur 4 mètres de large, avec les supports en pierre qui sont inamovibles, donc tu n'as pas besoin, t'as pas de maintenance là-dessus. Hein. Donc, mais ce que tu fais à deux, de manière un peu semi-industrielle, c'est-à-dire avoir, je sais pas, avoir 5, comment je dis, des clés, 5 clés plus 5 clés, plus 5 autres, pour mettre tes clés sur le côté en étage, dans le graissier à gauche, pareil à droite, pareil au fond, sauf que ça ne doit pas faire 5 mètres, parce que sinon les deux autres de 80 vont bloquer, donc bon bref, c'est du détail. Quand tu fais ça à 2, 3 ou 4, forcément que ça ne te prend pas grand-chose. Mais quand tu es tout seul, ce qui est souvent le cas maintenant, partout, tout le temps, tout seul parce que ça n'intéresse personne d'autre, ou parce que tu n'as pas les outils d'un professionnel, si tant est qu'il faudrait imaginer un truc qui va chercher les clés extérieures, qui mettent sur des rails, qui... Oui, bien sûr, oui, tout est possible. Bref. Ou la couverture qui vient. Bien sûr, tu vas pouvoir aussi. Donc tu te rends bien compte que quand tu fais des figues séchées, c'est de manière artisanale et sur des petites quantités. Mmh. Et je parle de ce sujet parce qu'avec un véritable séchoir industriel, on passe à une autre dimension. L'avantage de la figue sèche, c'est que, un, c'est pas un figon, je parle en maturité, et deux, c'est pas une confiture. Donc ça nous fait ouvrir c'est un avantage et un inconvénient, mais bon, on va quand même prendre ça comme une bonne nouvelle. On va ouvrir une troisième ligne de produits qui serait la figue à sécher. Parce qu'il faut quand même qu'elle soit bien consistante. une fille de confiture que tu mets sur des clés, de toute façon elle est déjà ouverte, un peu éclatée, un peu abîmée, c'est fini. Un filon que tu mets sur des clés, zéro non plus, ça va mûrir, tu pourras peut-être les passer en confiture. Il faut les bouger aussi, il faut les tourner. Donc au milieu, on peut avoir la fille à sécher. Et pourquoi on peut avoir la fille à sécher? C'est-à-dire qu'à part le, comment ça s'appelle, à part l'énergie qu'il faut aujourd'hui pour un séchoir, il faut quand même de l'énergie, on ne peut plus faire comme avant. C'est pas possible, c'est inimaginable. On ne trouvera jamais les ressources humaines pour faire ça. Là, à part l'énergie du four, on n'a rien d'autre. On n'a pas le souci d'un contenant en verre. Une fois qu'elles sont séchées, elles peuvent être emballées dans des petits sacs plastiques, dans des contenants très simples, dans des contenants biodégradables même, c'est pas un souci. On n'a plus de verre, on n'a plus de gaz, qu'est-ce qu'on n'a plus c'est déjà pas mal, hein. Parce que pour faire du verre, comme je le disais en préambule, aujourd'hui, si on augmente le prix des pots, c'est pas parce qu'on dit c'est bon, il y a des gens qui en veulent. On augmente les prix des pots parce que le pot lui-même est de plus en plus cher. Donc, c'est juste ça. C'est même pas le produit. Et ça interdit des réutilisations des pots. Ah oui, sérieux, oui. Bah oui, pourtant, depuis 2000. Hein. Ah, je savais pas ça, que c'était à ce point-là. Bah, moi, je connaissais ça avec les bouteilles d'huile. Ouais. Parce qu'il y avait une dame qui vendait l'huile à Nice. Et après, je venais toujours avec ma bouteille. Ouais. À un certain moment, elle a dit l'Europe a décidé que c'est plus possible parce que l'hygiène. Les normes sont tellement élevées que... Oui, dans un univers où on est en hyper précaution sur hyper tout, en permanence. Quand tout doit être stérile, c'est mort. Mais ça veut dire que les gens qui viennent chercher du vrac, notamment dans les coop, dans les bio, dans les magasins bio, ils viennent avec quoi? Ça dépend des produits, peut-être. Mais l'huile, a priori... Il me semble avoir lu, venez avec vos bouteilles, venez avec... Est-ce que c'est du plastique? Pour les produits ménagers ou si tu achètes des produits secs. D'accord. Pas consommable. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Parce que c'est souvent du sec. C'est souvent des graines, des pâtes, du riz. Oui, c'est vrai. Donc là, peut-être il n'y a pas de problème. Mais là, avec l'huile, en l'occurrence, c'était plus possible. D'accord. Pourtant, on fait tout chez nous. Hein. Mais bon, c'est un risque et péril aussi. Hein. Donc bien que nous, je suis même obligé de refuser maintenant très fermement. Je pense que c'était une de nombreuses manières de faire rendre difficile la vie des petits producteurs. Ils veulent remplacer ça par des grandes entreprises qui ont des moyens à soi-disant faire hygiénique, mais mort. Voilà, il faut mort. Donc ça, on est bien d'accord, je pense qu'on a plus de risques à fumer légalement des cigarettes qu'à réutiliser un pot de verre, surtout que les gens, il y a des transmissions de savoir, on en parlait tout à l'heure, qui sont plus délicates, mais savoir et faire savoir, communiquer à quelqu'un qu'il faut faire bouillir son truc dans de l'eau avant de penser à le réutiliser... C'est quand même pas une consigne venue de la NASA, quoi. On n'a pas besoin d'aller sur la Lune avec ça, quoi. C'est encore des choses simples qu'on peut transmettre à quelqu'un. Réutilise tes pots en verre, mais prends la précaution de faire bouillir. Tu rajoutes le couvercle aussi, parce que tu sais jamais. Il y a des gens qui mettent le couvercle à côté et qui vissent après. Donc tu parles bien, puis tu évites aussi de toucher l'intérieur du couvercle avec tes doigts, machin. Ça se faisait d'ailleurs. Quand on fait les confitures à la maison, on connaît les techniques. Oui, comment on appelle ça, les bons gestes, oui. Oui, ça c'est... Je dis, moi, à la maison, je croue sous les pots, hein. Donc à un moment donné, il faut quand même les ramener. Puis je sais pas, en plus, les étiquettes sont soit surcollées, et quand on arrive encore à les coller, tu as le pot qui pègue aux mains, là. Oui. Alors, péguer en provençal, c'est collé. Hein. Oui. Ça pègue. C'est tout sauf agréable. Quoi. C'est vraiment fait. Hein, parce que si sur la majorité des pots, si tu grattes pas toi-même l'étiquette, elle s'en va pas. Hein. Si tu as envie de marquer, de mettre des confitures de figues dans un pot qui est marqué ratatouille. Oui, bon, moi, je ça ne me gêne pas. Moi non plus. Tu peux faire une petite croix, faire un petit trait, ou écrire sur le... Ceci n'est pas de la ratatouille. Tu marques figue, tu cours dessus, puis c'est bien. Mais bon, il y a les perfectionnistes. Tu as parlé de l'association des quatre axes. Donc c'était la sauvegarde des... Alors, oui, on a un gros projet en cours aujourd'hui. Qui se développe en quatre axes, et c'est bien que tu dis ça parce que ça me fait penser à quelque chose d'autre, qui se décline en quatre axes. On a en priorité, après discussion, la conservation des savoirs. Alors ça vient d'une idée toute simple, mais que toi, tu n'as pas nécessairement en tête quand tu as mis dans le guidon. Quand je dis toi, c'est les membres de l'association de manière générale, comme ils sont tous vivants. Et pour cause, c'est les membres de l'association, et ils récoltent. Donc il y a les arbres. En fait, non. Les arbres, dans 100 ans, ils y seront encore. Mmh. Dans quel état, je ne sais pas. Mais même s'ils sont à la friche ou dans la jungle, il suffira de se mettre dans la friche et dans la jungle pour les refaire sortir comme ils étaient il y a 100 ans. Donc, faux problème. Par contre, les papyrogés, dans 100 ans, tout comme toi et moi d'ailleurs, poussière, repartie, tout ça. Et ce qu'il y avait là-dedans, là-haut plutôt, bah, parti avec. Quoi. Donc c'est un peu pour ça qu'on a re-hiérarchisé. Et on a fait ça bien et de manière démocratique en Assemblée Générale cet été. Donc ça a permis de confronter, d'ouvrir un peu les yeux. C'est comme tout, hein, quand tu gères un truc, il faut de temps en temps, à défaut de se créer les opportunités soi-même pour prendre du recul et regarder un peu ce qu'on fait aujourd'hui en fonction de là d'où on est parti et là où on est arrivé. Si tu arrives à faire ça, ça va encore. Mais c'est rare que tu prennes le temps quand même tu peux l'avoir. Ou alors, il faut avoir du sang neuf ou des extérieurs, partenaires, qui ont la pratique de ces choses-là aussi. C'est une portion. Attention. L'expérience a montré ceci, cela, basiquement. Et donc, tout ça pour expliquer qu'effectivement, on a un bon partenariat avec un organisme que l'on peut citer tout à fait honorablement, qui s'appelle le Conservatoire Méditerranéen Partagé, qui est basé à Lierre et qui est un organisme, une association, mais avec des salariés, au moins deux, qui est chargé en fait de à la fois de trouver des projets, mais pas tant que ça, mais d'identifier les projets viables, de les favoriser, de les accompagner et de trouver des fonds nécessaires pour les financer. Alors jamais intégralement, mais tu sais aujourd'hui qu'il y a tout un état d'esprit autour d'une certaine forme de dédouanement à bon compte, mais bon, on ne va pas cracher dans la soupe non plus, ce qui est pris et plus à prendre, d'énormes sociétés multinationales, entre autres, pas que, hein, mais entre autres, pour s'acheter une bonne conduite, en disant bah, on fait des trucs pas clairs, tout ce qu'on fait n'est pas bio. Le béton là pour faire le pont, il faudrait mieux pas tomber dedans parce qu'on sera mort avant qu'il est figé. Bon, des choses comme ça. Je caricature, je force un peu le trait. Et donc toutes ces sociétés, ou des sociétés convaincues qui sont déjà dans ce domaine-là, ont des fondations, ou en tout cas ont un département mécénat qui permet souvent d'aller récupérer des fonds dans des endroits où. Même si tu sais qu'il y a un département mécénat, avant d'arriver, de passer les méandres pour atteindre la bonne personne, là, peut-être que même tes arbres, ils seront morts aussi avant. Donc voilà, donc, on travaille, on est bien accompagné par le CMP. Pour mémoire, et pour donner une idée un peu de la chose, la présidente actuelle du CMP, c'est la maire de Corinth. Donc c'est des gens qui ont qui sont déjà sur la question depuis un certain nombre d'années, mmh. et qui sont, je dirais, pour ne pas vexer les autres, qui sont orientés à... qui sont orientés pour le bien du vivant, on va dire, dans toute sa globalité. Mmh. Voilà. Donc on a mis en place un projet, forcément qu'on était présent, parce que ça nous concerne aussi. Donc, on a mis en place un projet avec quatre axes. Donc on a la conservation des savoirs. Ensuite, on a En premier, on a la conservation des savoirs. Je disais tout à l'heure aussi, je ne sais pas si je l'ai reprécisé dans la conférence, mais de toute façon, ils vont être peut-être heureux de l'entendre un jour, parce que ça leur est destiné également, ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a le musée des arts et traditions populaires de Draguignan, mmh. avec lequel on travaille sur la conservation, justement. Ils sont tout à fait fanas, ils n'ont pas des grands moyens financiers, mais ils ont des moyens techniques et des moyens matériels d'aider à cette démarche. Le deuxième axe, c'est la création d'un verger conservatoire, mmh. passionnant. Donc on est en train d'identifier des terrains possibles sur Salerne, avec des critères comme la qualité de la terre, savoir si c'est à l'arrosant ou pas. Les vergers. Recherche de terrain pour faire un verger conservatoire. Mais ça, mmh. ça va loin, un verger conservatoire. Hein. C'est aussi un outil de surveillance et de développement de l'arbre en lui-même. C'est par exemple récupérer quelques rejets chez chaque membre, les identifier et voir comment ils se développent dans mmh. un terrain mmh. neutre quelque part. Mmh. Puisque donc il y a les trois rejets d'Hervé, les trois rejets de Nathalie, les trois rejets de Roger, etc. Donc il y a ça à faire, ça permet ensuite d'accueillir des biologistes et toute une communauté scientifique au service de l'agriculture pour suivre ça, pour observer, pour faire des relevés, pour améliorer les choses aussi, ce qui est à améliorer. Ça permet aussi de recevoir du public pour la notoriété. Voilà, donc ça c'est le deuxième projet, ben, c'est pareil, ça dépend des opportunités, je te dis, il faut savoir si on arrive à trouver un terrain dans une bonne terre. Toutes les terres autour de Salerne ne sont pas égales. Il y a des quartiers qui sont connus pour être des quartiers favorables à l'agriculture et d'autres pas. Donc on essaye quand même de choisir un quartier où il y a de l'arrosant, un canal pas très loin, et de la bonne terre. Ça suit son cours. Le troisième projet, c'est l'inscription au catalogue de la variété nationale. Alors ça, c'est important en termes de notoriété, c'est important dans la démarche de labellisation, puisque c'est une démarche actuellement, on en est loin, mais faut lancer les choses, hein, et puis sinon on ne les finit pas, il faut faire le nécessaire pour que d'autres puissent les mener à bien, mais si personne ne les lance à un moment, personne ne les mènera à bien de toute façon. Donc on lance ça, donc... La variété nationale, c'est intéressant parce que c'est plus qu'intéressant, c'est un peu assez gigantesque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, aucune figue en France n'est inscrite au catalogue des variétés nationales. Alors, comme son nom ne l'indique pas, c'est les variétés agricoles nationales. C'est important parce que ça donne une reconnaissance qui peut ouvrir bien des portes, et pas qu'en termes de financement. Forcément, c'est quand même un domaine qui est tenu par le ministère de l'Agriculture, donc c'est pas rien. Il est certain que si on arrive à inscrire la figue blanche de Salerne en tant que première figue inscrite au catalogue de la variété nationale, c'est pareil, c'est comme tout, hein, ça éveille la curiosité pour le moins. Mmh. Et ça donne une certaine densité à ce que tu fais, forcément. Et le quatrième point, c'est l'inventaire du parc salernois des figuiers. Voilà. Donc ça aussi, c'est très intéressant, parce que, comme je le disais peut-être tout à l'heure en parlant de la démarche de labellisation, il y a beaucoup d'actions quand même importantes, comme la variété nationale, qui nécessitent une connaissance précise, alors je dirais pas millimétrique, hein, parce que bon, il n'est pas parfait, mais dire par exemple que ouais, dans le quartier de la Nulle, il y a beaucoup de figuier blanc, pour ce genre de démarche et d'organisme, c'est pas suffisant. Donc, on identifie les parcelles où il y a des figuiers blancs, sur Salerne. Alors, on le fait en terrain, je dirais, connu, parce que la mairie de Salerne et nous, on se connaît bien, on se voit régulièrement pour différents sujets, et ces derniers temps, pas mal pour un travail de concert, mais vraiment dans le concret, hein, avec à l'urbanisme, avec le cadastre. Avec le cadastre de Salerne en super grand écran. On a des gens côté mairie de Salerne, à l'urbanisme et un patrimoine qui sont des anciens de Salerne. On peut les nommer, hein. Il y a M. Lyons et Didier Agosta à la mairie de Salerne qui connaissent très bien leur terrain. Et nous aussi, de notre côté, on a des gens qui connaissent très bien leur terrain aussi. On a le fameux Jacques Blanc, qu'on peut également citer. Suzanne, on la sollicite un petit peu moins parce que bon, c'est moins facile pour elle de se déplacer. C'est un peu, enfin, elle est un peu c'est difficile pour elle. Mais on a Jacques Blanc qui est un vieux Salernois, d'une famille de vieux Salernois, et on arrive en regardant les plans. On a des fanas de vélo, donc il dit, tu te rappelles, la dernière fois on est passé à ce coin-là, on ne savait pas, on a regardé, c'était un figuier blanc. Donc voilà, on arrive à recouper nos informations avec l'urbanisme de Salerne pour savoir où sont les figuiers blancs. C'est pas facile pour au moins deux raisons. Comme je le disais tout à l'heure, le figuier blanc, ou le figuier d'une manière générale, c'est pas une oliveraie. Donc aujourd'hui, quand tu prends Google, tu regardes, ça c'est l'olivier, c'est planté au cordeau, il y en a 20, 10, 200, 40 000, mais c'est planté au cordeau. Donc ça c'est facile à identifier, donc ce travail a déjà été fait par la mairie de Salerne. L'avantage de ça, c'est que dans ces zones-là, souvent en complément, et ils y sont toujours, on va trouver des figuiers blancs, donc ils vont être aussi préservés, identifiés. Et les autres, eh ben, on a une liste, enfin on n'en a pas encore, on va recevoir une liste des parcelles, avec, j'espère, des extraits de cartographie, parce que c'est quand même plus simple. Et puis, ben, soit nos petits camarades de jeu de la mairie, soit nous-mêmes, on va de temps en temps se donner une demi-journée pour aller là, et vérifier si on a bien affaire à du figuier, et, deuxième difficulté, du figuier blanc. Et pour ça, il faut attendre quand même l'été. Mais on peut toujours aller voir. D'être à bonne période, parce que c'est en regardant l'arbre seulement et les feuilles, on ne pourra pas savoir. Non, ça ne suffit pas. Voilà. Ça ne suffit pas, parce que les feuilles aussi, là j'ai vu dans le bouquin de Suzanne, il y a 4 types de feuilles, etc. Ah ben, tu sais quoi, c'est pareil, il faut le voir ça. Il faut le voir, sinon, puis heureusement que j'ai pas l'accent, parce que sinon on ne pourrait jamais. Hein. Mais il faut le voir. Moi j'ai des figuiers. Là, c'est une feuille qui est comme ça. Et là, c'est une feuille qui est comme ça. Et qui n'est pas du tout comme ça. Donc, sur un même figuier, j'ai des feuilles différentes. Alors l'identification à la feuille. Et selon l'âge de l'arbre aussi, je crois, non ? La quoi ? Selon l'âge de l'arbre, il y a des feuilles qui changent différemment. J'ai pas remarqué, parce que j'ai un peu de tout à la maison. Des jeunes et des anciens et des moins anciens, et j'ai pas trop remarqué. Ce que j'ai remarqué pour sûr, c'est que l'histoire de la feuille, quand même, ça m'est arrivé en récoltant un jour. Là, je prends un ok, super, j'enlève une feuille. Je vais à côté, un peu plus loin. Bon, j'enlève la feuille, je dis, c'est pas celle que je viens de... c'est pas celle que je viens d'enlever. Je vais la chercher, je l'ai mis à côté. Ah non, pas du tout les mêmes. Même arbre. Donc bref, ça c'est en cours aussi. Et c'est très bien. Et c'est tant mieux. C'est le quatrième et dernier axe. Le seul petit truc, c'est que aujourd'hui, cet inventaire est fait sur les zones agricoles. Non, sur les zones, les ZU, les zones urbanisées, et les ZUA, les ZAU, les aides, les zones à urbaniser. Pourquoi c'est un peu dommage, mais bon, pareil, on ne va pas cracher dans la soupe, on a déjà ça et on travaille bien de concert avec les moyens techniques de la mairie, donc c'est déjà pas mal, parce que sinon tu n'as pas accès facilement à toutes ces informations. Avoir un cadastre, le nom du propriétaire, machin, c'est pas que c'est interdit, mais c'est discret. À ton niveau, sur Géoportail, tu n'as pas les informations qu'ils ont forcément. Bref, parce qu'aujourd'hui on va identifier donc surtout les parcelles sur lesquelles il y a des figuiers qui sont en zone urbanisée et en zone à urbaniser, qui sont donc susceptibles de faire l'objet d'un permis de construire un jour ou l'autre. Et disparaître. Sauf que ça, avec la mairie de Salerne, ça ne marche pas comme ça. Alors le maire, quel qu'il soit, chacun peut avoir son avis et doit avoir son avis sur la question, sur l'équipe aussi. Mais si je me souviens bien, c'est quand même quelqu'un qui a mis dans son projet, dans sa déclaration d'intention du candidat, de rendre Salerne autosuffisant alimentairement. Alors tu as donné des chiffres tout à l'heure qui sont, je dirais, qui incitent pas à l'enthousiasme, mais c'est comme tout. Si tu commences pas un jour, bah oui, il faut commencer. Lui ne verra peut-être pas de son mandat, de ses mandats, nous deux on verra peut-être pas. Mais bon, mieux ça que rien, quoi. Comme je dis souvent, quand on parle d'énergie renouvelable, on dit « Ah, l'Allemagne, ouais, l'Allemagne, super, l'Allemagne, 20% d'énergie renouvelable, ouais, super, l'Allemagne. » Et en France, c'est simple, l'Allemagne, elle a commencé il y a 20 ans, sérieusement. Donc elle a gratté un point par an, 20% d'énergie renouvelable. Sur un pays comme ça, c'est quand même pas rien, quoi. Nous, on sait. On sait combien on est. Est-ce qu'on sait seulement si on est vraiment parti, déjà, à commencer par ça? Est-ce qu'on est vraiment parti? À part des effets d'annonce dans l'urgence, parce que ça va être cher le pétrole, tout, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, il va falloir remplacer par ci, on va vous envoyer, on va tous vous livrer avec des panneaux solaires gratos, ouais, c'est ça, bien sûr. Est-ce qu'on est déjà parti? Bon, bref, c'est une aparté pour dire qu'à un moment donné, c'est le cas de dire, il faut partir, en aparté. Il faut partir et puis commencer à gratter. Donc on est sur une équipe qui est favorable à ça. Et ça veut dire, beaucoup plus loin que ça a des implications et des résultats et des conséquences très concrètes, ils sont tombés sur un projet immobilier pas très loin de chez moi, où pour délivrer des permis de construire, il fallait dégommer... Combien il y en avait là-dedans? Il y en a qui sont partis, hein, parce qu'avant que le projet soit arrêté, il y a des oliviers qui sont partis. Écoute, à vue de nez, c'était une parcelle où il devait bien y avoir d'un seul tenant, il devait bien y avoir 300 oliviers. Rien d'autre à... Je vais essayer de me rappeler que je suis enregistré, donc je vais modérer mon vocabulaire, mais rien d'autre à se mettre sous la dent que de sacrifier 300 oliviers pour mettre de l'immobilier. Voilà. Alors, je dis pas que tout le monde n'a pas le droit d'avoir accès à un logement individuel, décent, agréable, etc. Hein, forcément. On a dû tous y passer probablement à un moment ou à un autre. Mais quand même, il n'y a pas d'autre terrain à défricher, à enlever du pain, par exemple, dont on sait qu'il brûle très bien, dont on sait que c'est pas l'arbre d'origine de la région. Il est là depuis la marine à bois, depuis les bateaux en bois, hein, pour faire du bois sous colbert et pour faire des bateaux en bois jusque pendant longtemps. Donc il n'y a pas d'autres endroits un peu moins valorisés, on va dire. Ça paraît assez, durement économique ce que je dis, mais beaucoup moins valorisés en termes de qualité de terre, en termes de qualité de végétal, si tant est qu'on puisse reprocher à un végétal d'être un végétal nuisible, pas nuisible, productif, pas productif, mais bref, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à passer en revue un terrain à surface équivalente, pas trop loin de Salerne, et il y en a encore, qui est un peu sur un sol plutôt rocailleux, pas une terre agricole, et où il y a pas mal de pain, quoi, plutôt que de commencer à se dire là, 400 on va les mettre en vente, et puis ceux qui ne seront pas vendus à telle date, de toute façon, ils vont finir. On ne sait pas où d'ailleurs, on va les brûler, on va s'emmerder avec ça. Voilà. Donc tu vois, c'est des projets comme ça, ça a quand même une concrétude réelle, ces comportements. De dire, il faudrait. On va lancer des actions pour que Salerne soit alimentairement autonome. Bien. Lançons. On va arrêter de délivrer des permis de construire qui vont mettre en danger des terres cultivables de mémoire d'homme, de mémoire d'habitants, et qui sont déjà plantées en X, Y ou Z. Voilà. Ben, c'est quand même pas une mauvaise démarche. Alors, pour nous, l'inconvénient, c'est que par rapport à notre démarche globale, disons vers ces sujets de labellisation, c'est pas suffisant en soi, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la vision complète, donc en plus des ZU et des ZAU, d'avoir les ZN, zones naturelles, et d'avoir les ZA, agricoles, sur lesquelles on trouve des figuiers, pour avoir le paysage précis et quasiment exhaustif de l'état de la présence du figuier blanc sur la commune de Salerne. Tu parlais d'une action des questionnaires, c'est ça? Voilà, alors l'idée c'est ça, c'est que ça avait déjà été tenté, mais ça n'avait pas été mené à bien il y a plusieurs années, puisque j'ai retrouvé dans les archives, là, en tant que nouveau président, puisque Nathalie m'a gentiment a fait ce qu'il fallait pour me passer les rênes, j'ai retrouvé un document de l'association sous forme de PDF, qui est une forme de questionnaire, mais qui est bien trop long. C'est une page complète, mais une page complète pas aérée non plus. Quoi. Donc tout l'espace est utilisé, et ça marchera jamais. Donc l'idée, c'est quand même, ne serait-ce que par respect à celui ou à celle qui l'a conçu dans une bonne intention, et par rapport au travail fait déjà, c'est de partir de ça, parce que forcément qu'il y a des choses bonne et importante à conserver, on va juste lui faire. On va la passer dans un vol de tondeuse, là, pour que un peu ça ratiboise un peu le surplus. Et en ratiboisant le surplus, après, on va se retourner alors vers nos propres membres qui connaissent d'autres personnes, on va mettre en œuvre aussi tout notre annuaire contact, et Dieu sait si depuis quelques années. En tant que secrétaire passé, je l'ai vraiment augmenté de beaucoup de contacts. Tout ce qui passe, tu sais, tout ce qu'on reçoit en disant tiens, on est machin, on va faire une foire de la ceci à tel endroit, un truc paysan par ici. Donc tout ça, c'est des gens qui font partie de ce milieu, d'un réseau. Et surtout, on va passer par Salerne, par la mairie de Salerne, pour que dans les outils, entre le bulletin, je ne sais plus, c'est le bulletin hebdomadaire ou semestriel, et surtout le site de Salerne, il y a beaucoup de gens qui prennent des informations sur le site pour savoir ce qui se passe sur Salerne, quoi de neuf, quoi de nouveau, qu'est-ce qu'il y a à voir, les animations, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont sur ce site-là, et donc sera mis en ligne le questionnaire pour poser la question à tout Salernois, ou même extérieur, parce qu'il y a des gens qui n'habitent pas Salerne, mais qui sont soit originaires, soit qui ont des terres sur Salerne, et qui aiment bien se tenir au courant, même à 800 km d'ici, de ce qui se passe sur Salerne, pour leur demander s'ils peuvent s'identifier, s'ils peuvent nous identifier les endroits où il y a des fusils blancs, tout simplement. Avec, si possible, le nom du propriétaire, et encore mieux la parcelle. Et avec ça, on va essayer de reconstruire, vaille que vaille, un travail de terrain qui avait été fait il y a une quinzaine d'années et qui malheureusement s'est perdu dans un crash d'ordinateur. Ah. Ouais. Eh ouais. Et ça, de toute façon, à part le regretter, on ne peut plus rien faire d'autre. Hein. Donc, on regrette. C'est con, hein. Ah ouais, c'est très bête. C'est rageant, ouais, aussi, c'est rageant aussi. Puis il y a plein d'adjectifs comme ça qui peuvent venir, mais. On ne va pas le ressusciter du disque dur de l'ordi en question. Donc on s'y recolle. Voilà. Pourquoi on s'applique à ça? Une nouvelle fois parce qu'on est en terrain connu. On est salernois avec la mairie de Salerne sur des terrains de Salerne. Parce qu'une fois qu'on aura pu modéliser un procédé, en tout cas dès qu'on aura pu modéliser notre petite affaire sur ce sujet pour Salerne, il sera de facto applicable aux trois autres municipalités avec lesquelles pour l'instant de fait, parce que ça se présente pas, parce qu'il y a suffisamment d'activités par ailleurs, on n'a pas plus de relations que ça. Donc il faudra aller voir les représentants de la mairie de Cotignac avec ce qu'on est en train de faire. Accessoirement, et pourquoi pas avant que ça soit fini, ils ont peut-être la même préoccupation de protection de l'environnement et la survie des populations, quelque part, est en jeu, là. Et de ce qu'on peut retirer de cet environnement. Ça colle complètement dans ce dont je te parlais tout à l'heure du PAT, hein, le projet agricole territorial. La concrétude du PAT, c'est aussi ça. Arrêter de saboter et de gaspiller ce qu'on peut exploiter, mais ça va du planter au non-planter. Pour peu que la terre soit une terre agricole, même si elle était envahie depuis deux générations par des pins. Hein. Les pins, ils vont s'en aller, hein. ils vont aller ailleurs. Hein. De toute façon, on connaît le risque de ces arbres, la profusion, la croissance que ça a. Donc, même s'il faut, allez, soyons nobles et généreux, s'il faut planter un autre pin dans une région aride, et désertique, parce qu'on va en enlever un à Salerne, on peut aller jusque-là. Pourquoi pas, hein. C'est un arbre aussi, enfin, je veux dire, l'essence de pin, c'est pas rien non plus, on fait de belles choses avec du pin, hein, aussi. Donc voilà, et donc tout ce... Que ce projet soit finalisé avec Salerne ou pas, après, je te dis, c'est des questions de moyens, de temps, parce que... Alors, on est encore pas mal, on est majoritairement des gens à la retraite, hein, ce qui explique cela, parce que ça permet quand même de dégager du temps. Mais même ça, ça suffit pas, hein, parce que on travaille un peu tous azimuts par rapport au renchérissement du prix du verre. Il y a des idées qui surgissent de certains cerveaux embrumés et qui disent peut-être qu'on peut revenir à un conditionnement fer blanc à l'ancienne. Pourquoi pas? On en a vu, hein, qui revenait. Hein. Alors, quoi, c'est pas pour du figon, parce que le figon, c'est vrai que c'est sympa quand on le voit. Quoi. Et encore, ça, c'est une question très personnelle. Oui. C'est une question très personnelle. Parce que, pourquoi? C'est encore une petite aparté, mais c'est juste pour dire que c'est pas les idées qui nous manquent, et puis c'est plus le temps, l'énergie, et effectivement, trouver des synergies aussi pour que ça aille dans ce sens-là, mais ça peut être une idée de substitution. Et si on ne met pas des figons dedans, on peut mettre des figues, comment on appelle ça, ce qu'on appellerait des figues naturelles. On les mettrait dans des... Et puis ça donne un petit cachet, alors avec l'étiquette qu'on peut travailler, mais surtout aussi le fait d'avoir des boîtes de conserve à l'ancienne, ça donne un petit cachet historique, patrimonial, parce que quand on nous demande où vous vous situez, on se situe partout. Vous êtes du touristique, oui, en partie. Vous êtes de l'agriculture, oui, en partie. Vous êtes dans l'environnement, alors oui, en partie. Vous êtes dans le social, oui, en partie. Dans l'économique, oui, en partie, bien même. Bon, dans l'historique, oui, aussi, en partie. Donc, tu vois, ça peut donner cette... Après, tout peut se... Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'étudier. Le tout, c'est de donner le moyen de le faire, prendre des contacts, voir ce qui est faisable ou pas. Hein. On a une conserverie à Salerne qui peut nous servir à ça aussi. Hein. Je veux dire, c'est... Parce que ça aussi, hein. Je veux dire, quand tu travailles sur des démarches de labellisation, la labellisation telle qu'elle est conçue aujourd'hui par l'INAO, donc l'Institut National des Appellations d'Origine, elle est articulée, une labellisation est articulée autour d'une filière. Une association peut porter, mais comme nous disent aussi bien les gens de l'INAO que certaines personnes fraîchement arrivées dans l'association avec le recul et même leur propre activité, c'est de dire attention, vous êtes des bénévoles. Mmh. Il n'y a pas de filière et professionnelle. Non, dedans. Si, il y a une filière professionnelle, mais vous qui gérez l'association, vous êtes des bénévoles. Mmh. Attention à ne pas être victime de vos projets. Quoi. Mmh. Parce que là, effectivement, tu es bénévole, je ne parle pas d'être rémunéré, je parle d'avoir même des moyens. Tu diras, rien ne nous empêche d'acheter un étage entier dans un immeuble à Salerne, de s'installer dans des bureaux, etc. Bon, enfin, bon, c'est une autre structure. Mmh. Donc faites attention, vous êtes des bénévoles, ne vous faites pas flinguer par vos propres projets, quoi, par exemple. Mais en tout cas, pour les NAO, clairement, l'idéal, c'est d'avoir un GIE, de créer un GIE, quand il n'existe pas, un groupement d'intérêt économique, et je crois que maintenant, il y a un GIEE même, mais je ne sais plus ce que veut dire le deuxième E, donc on saura ça pour la prochaine fois, certainement. Et par le biais d'un GIE, bah, tu rassembles justement dans ce GIE, comme dans une association, sauf que c'est un GIE, c'est très différent, tu rassembles tous les acteurs de la filière. Mmh. Et ça, c'est super intéressant, parce que tu as dans la même entité, tu as les producteurs, les transformateurs, et t'as les producteurs, les transformateurs et les vendeurs. Ouais, on peut appeler ça comme ça, les vendeurs. En tout cas, ceux qui sont en bout de chaîne, qui sont le dernier maillon avant le public. Quoi. Voilà. Donc tu vois, on est en train de travailler sur des sujets comme ça. Enfin, moi, je ne me prends pas le chou parce que je sais que c'est des choses de longue haleine. Certaines. Pour d'autres, il faut porter un coup. Faire une opération commando pour faire un truc parce que c'est maintenant, je veux dire, le jour où on aura l'occasion de concrétiser sur un terrain, on n'aura peut-être pas beaucoup de temps pour dire oui, mais si, etc., blablabla, ça sera là ou maintenant ou pas du tout. Donc, à part ce genre d'urgence, bah, finalement, on n'en a pas trop. On saluera encore une nouvelle fois Nathalie là, qui est partie de pas grand-chose, qui était active à l'époque et qui est toujours active. En ce moment, et pour avoir vécu d'autres environnements associatifs, porter de front une présence impliquée et forte dans une association, qu'on soit président ou à un autre poste, hein, et son activité professionnelle, il faut s'y être collé pour savoir que ça ne se marie pas toujours très bien, qu'à certains moments tu te dis, mais j'ai passé 2 heures là, ce matin au boulot à m'occuper que de l'association, mais qui me paye finalement ? Alors après, on culpabilise ou on culpabilise pas, hein, mais j'étais responsable de la communication à des heures très chaudes d'une association remettant en vol un avion. Hein. J'avais un petit boulot aussi à côté de ça, qui prenait pas mal de mon temps et de mes nuits. À un moment donné, c'est dur. Donc bref, encore félicitations à Nathalie, et puis donc, on prend le relais, on continue, et puis on va bien voir où ça nous mène, mais je répète et je termine là-dessus. Relancer la microfilière, eh ben, c'est fait. Elle est relancée. Elle existe. Il y a des acteurs économiques, sociaux. Il n'y a plus qu'à laisser grossir. Voilà. Pour que ça soit plus une microfilière, mais une filière, tout simplement. Il n'y a pas de raison que ça ne redevienne pas une filière. Une nouvelle fois, sans être... J'ai pas l'impression de donner l'image d'un comment ça s'appelle, d'un golden boy des salles de bourse là, de tous ces braves gens qui font du courtage et d'autres activités purement financières, mais c'est un produit qui est unique et qui est prisé, pour lequel il y a quand même une grosse demande. Je veux dire, le jour où on sait sortir, on sait de nouveau sortir 5 tonnes à la journée, 5 tonnes à la journée de produits, eh ben on fait de la pâte de figue. La pâte de figue aussi, en termes nutritifs, comme toutes les pâtes de figue, c'est très général, c'est énorme. Alors après, c'est un choix. Mais si on trouve les terrains, les arbres et les personnes correctement rémunérées, enfin, ou rémunérées dignement par rapport à leur activité, pour sortir 5 tonnes de figues par jour pendant la saison, eh ben, on fera ça. Même là, il faudrait qu'on en fasse plus, parce que sinon, si on sort 5 tonnes pour la pâte de figue, on ne va plus rien sortir pour le filon, mais on sait qu'il faut quand même sortir le filon. Bah, il faut d'être nombreux. Et... Les arbres sont là, hein. Enfin, dire, tu te balades à droite et à gauche, et tu passes à côté d'un arbre. Ça tombe et... La nature s'en fout. La nature s'en fout, hein. Elle a bien raison. Hein. Heureusement. Hein. Heureusement. Hein. C'est bien pour celui qui le veut. Pour celui qui le veut, oui. Mais c'est vrai aussi que ça rejoint un peu notre discours de nos échanges de tout à l'heure. Elle s'en fout, mais autant elle n'aime pas être agressée, autant faire des choses à vide. Qui ne remplissent pas leur objectif premier, c'est de nourrir les habitants de la planète, basiquement. Donc ça serait bien aussi, parce que les Chiliens pourraient manger leurs fraises, et nous pourraient manger leurs figues, tu vois. Bah oui, mais les Chiliens n'ont pas besoin de fraises, je pense que c'est calamité pour eux aussi. Et l'inverse est vrai. Bah oui. Mais je dis pas ça, j'ai rien contre les Chiliens, je les adore, et je suis allé plusieurs fois au Chili, mais voilà quoi. Voilà. La nature a du mal. C'est peut-être même pas chilien. Les Chiliens, c'est seulement que on les a pris la terre pour faire des fraises. Les fraises, c'est tout. Vrai. Ouais, c'est vrai. Aussi. Donc tout ça, effectivement, ça s'inscrit dans une globalité. Mais c'est comme tout. Hein. On a nos enfants, nos enfants qui disent ouais, mais vous avez une retraite. On est certain qu'on n'aura pas de retraite. Mais ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Hein. Ça ne veut rien dire. Hein, parce que je dis, quand j'entends, alors déjà avec une conviction personnelle et ma propre expérience, mais quand j'entends aussi quelqu'un comme le proviseur du lycée Provence Verte à Saint-Maximin qui nous dit on ne sait pas à 80% ce qu'on mangera dans 15 ans. Eh ben, qui te dit pas que dans la manière dont on mangera il y a 15 ans, il n'y aura pas du boulot pour un peu plus de monde que... Et pas nécessairement du boulot plus fatigant. Hein. Oui. Il y a des secteurs... La nature est tellement productive par elle-même. Tout à fait. Les problèmes, c'est que seulement que celles qui se prend pour élite du monde, et ils ont trouvé les solutions avec les insectes, avec la nourriture artificielle, les cellules de Chapacan. Des solutions de sagouin. Et ça, justement, pour détruire encore plus. Ça, par contre, c'est sûr que la nature, elle va pas aimer et elle va nous rendre de la monnaie de nos pièces. Et quand elle va être terminée, on va tous s'en ruiner. Ça, c'est clair. Et inversement, est-ce qu'elle sera patiente suffisamment longtemps pour continuer à faire des choses comme ça, n'en voulez plus, on peut faire autre chose. Alors, ça peut aller vite. Hein. On a eu la visite d'un organisme qui venait un peu par acquis de conscience, nous visiter, un organisme qui dépend du ministère de l'Agriculture aussi, qui s'appelle le Fredon, pour ne pas le nommer. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Quelque chose pas sympathique en tout cas. Ouais, c'est pas un fredon asiatique, c'est bien un fredon français celui-là. Parce que tu as dû peut-être en entendre parler, sur la côte, les palmiers sont décimés par un insecte. Et il s'inquiétait de savoir où en était la progression de l'insecte. Et si, des fois, il ne s'attaquerait pas à d'autres arbres que le palmier. Elle l'aimerait bien. Ben, j'en sais rien. En tout cas, ça veut dire que du jour au lendemain, en tout cas en l'espace de même pas une génération, on peut nettoyer la ville de hier de tous ses palmiers. Et on pourrait, en l'espace d'une génération, peut-être, avec ce genre de contamination, nettoyer toute la région salernoise, les figues blancs de Salerne. Voilà, parce que ça, c'est une guerre quelque part. La guerre contre l'homme, c'est la guerre contre les ressources alimentaires. Et on n'a pas la mesure, et on ne peut pas inviter cet insecte à une table de négociation à l'OMS ou au G20. Tu vois, pour lui dire, attention, ça, il ne faut pas le faire. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux pour ne pas le faire? Qui nous dit qu'on est à l'abri de ça? Parce que, effectivement. Hein, on va se refaire les 10 plaies d'Égypte, comme ça, vite fait, bien fait. Même 2 ou 3, à mon avis, ça suffira. Voilà. Donc, prenons soin du vivant autour de nous, parce que c'est un vrai cadeau, hein. On reste là. Bah oui. Bon, merci beaucoup. Bah, merci à toi.